tranquillou. Ah, ça va être la fête. Ils auront leur festival. C'est génial. Justin Timberlake, Custom the Feeling. Bienvenue sur Fun. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Oh yeah! Can't stop the feeling! Oui, je le sens, je le sens encore. De 20h à 23h, Vince vous parle sur Fun Radio. En même temps, vous avez déjà entendu un animateur radio qui ne parlait pas? Il est bientôt 23h, même qu'on peut se démarrer. Lara, j'ai pas compris la chanson que t'as. Mais c'est ça? I just feel it in my body. J'ai compris, ah, j'ai juste bien ressenti le temps comme non, ça. Non, oui, je le sens dans mon corps. D'accord, ah, c'est comme ça, ouais, bien ça, vu. Bien vu. Je prépare mes Google traductions. Ah, c'est comme ça, j'ai des idées, bim bim. D'ailleurs, bon, c'est quand que tu reviens dans les montagnes, Lara? Bah, quand tu veux. C'est vrai? Bah, demain? Tu veux venir demain? Ah non, demain il y a plein de monde. Hein. Ah, demain c'est vrai, il y a Enzo Luffy qui sont avec nous. Moi j'ai besoin d'espace. Tu veux venir dimanche? Moi je suis expansif comme le Big Bang. Oh, tu continues à prendre de l'espace alors encore en ce moment. Ah oui, je suis en expansion. C'est ton anniversaire, c'est normal. 23h les amis, on est déjà à la bourse, c'est un truc de ouf. On avait prévu de faire le relou style, malheureusement on n'aura pas le temps. Mais par contre. Mais on l'a fait là pendant toute l'émission. Mais par contre, les amis, à partir de maintenant, nous allons vous offrir votre tablette, la Samsung Galaxy View. Oui. Oui, c'est un objet du futur. Elle pèse, alors en poids je sais pas, mais en tout cas elle mesure 18,5 pouces. Pas mal. Écran 16/9, Full HD. Cette tablette, ben, elle est connectée bien sûr sur Android. Vous pouvez jouer à vos jeux préférés ou regarder des films si vous le désirez sur Netflix ou autre. YouTube, la totale. Elle est franchement pratique. Traitement de texte, bref, pour vous amuser avec. Elle coûte 650 boules. Et on offre les 650 boules techniquement maintenant. Ok. La première personne. La première. Qui va m'envoyer Galaxy avec son prénom au 6322. Galaxy. G-A-L-A-X-Y. Ok. Au 6322 pour 1 euro le message. Ouais. La première personne qui m'envoie la bonne réponse gagne. Il envoie en premier le SMS. Il faut l'envoyer en premier. Et on doit le recevoir en premier. Ok. J'espère que vous êtes prêts. À quel signal ? Oui. Ben quand. Ah oui. Ah, on fait les ni oui ni non. Attention. C'est quand Lara dit oui ou non. Non, okay. Ça va, Lara? Attends, attends. Tu vas dire ni dire oui ni, ni oui ni non. C'est facile, hein. Ça commence. Voilà, ça va, Lara? Très bien. Ok, quelle est la ville à côté de Liège, là? Commence par un H qui finit par oui. H-U-Y. Bien, bien vu. T'as passé une bonne journée? Très bonne. Très bonne, c'est vrai. Comme toi. Et hier, c'était sur la route du retour? Super. On était fatigués. T'as dit oui? Non. T'as dit non? Allez, allez-y. Et voilà, allez-y, envoyez maintenant par SMS au 6322 que je compte sur vous, allez-y. C'était... Mais c'est toujours comme ça. Ouais, t'as dit oui. Comme ça, non, j'ai pas dit oui. Galaxy avec votre prénom 6322, le premier qu'on reçoit gagne. Sa tablette Samsung Galaxy View. Mais en vrai, j'avais pas dit oui. Non, en vrai, t'avais pas dit oui. Bonsoir, Mike Open Space. Bonsoir, Vince. Bonsoir, tout le monde. Alors, Mike, ça va, je sais pas, tu te cherches, tu es dans ta crise d'adolescence. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu as ton super beau tailleur, on dirait que tu vas animer sur Nostalgie, et tout d'un coup, tu mets ta veste, on dirait les Cosmo Cats. Ouais, on dirait. Elle est pas bien, ma veste? Non, elle est bien. Si, elle est bien. Mais c'est deux styles complètement différents. Mais non, mais je varie. On dirait que tu te cherches. Bah, je suis mythique mi-raisin en ce moment. Mythique mi-raisin. Un petit peu, c'est vrai. Là, tu m'as donné envie d'aller prendre un bon petit beau gelé nouveau comme ça. Ça va, Mike, tu vas bien? Bah oui, très bien. Et toi, alors comment ça s'est passé, mon Vince? Ah bah putain, pour une fois, j'ai une table de mix qui déconne pas. Parce que je l'utilisais pas. Et le standard surtout déconne pas. Ah, ils étaient deux, hein. Ils étaient deux à le faire. Sérieux? Oh putain, il y a du niveau. C'est pas une légende? Ah, c'est pas vraiment des radios où ils sont plusieurs pour faire le standard? Ah, et ils sont tous payés. Ça vend du rêve. Et ils sont tous payés. Ça, c'est de la magie. Franchement, non, franchement, chouette expérience, super cool et tout ça. Je crois que c'est la première fois sur Fun qu'il y a eu autant de voix d'animation et d'émissions différentes en l'espace de quelques heures. Ah oui. Parce qu'on a démarré en Love in Fun, à la fin du Love in Fun, on a entendu Marion et Anso qui font une émission là-bas, on est passé en mode libre antenne correctement, habituellement, voilà, pendant une heure avec Lara depuis là-bas, et puis Mike Open Space. Ça fait tout un boxon de 20h jusqu'à minuit, je vous dis pas. Hein. Mike, ce soir à 2h du matin, il y a un papa qui veut faire une blague à son fils. Ah ouais? Est-ce que c'est possible? T'as perdu, t'as dit ouais. Avec plaisir. Ah, on entend dans le ni oui ni non. Non, avec plaisir, ouais. C'est possible pour tu toi. Tu veux faire quoi comme blague? Ah bah écoute, son fils en fait. Alors, je sais pas si son fils écoute. Ouais. Vaut mieux pas qu'on grille. Ouais, non, en fait. Ouais, on va le rappeler en antenne alors. Voilà, pas de soucis. Voilà, super. Quel donc, mystère. Restez branchés, ça peut se passer tout à l'heure. Et nous avons un gagnant. C'est Fabien qui est là. Salut Fabien. Salut. Ah, j'ai déjà dit, t'as gagné. C'est gagné, t'as. Bah si. Si Fabien, c'est moi qui a envoyé le premier. Mais c'est toi qui a envoyé le premier, frangin. Si, tu l'as. Oh là là, énorme. Ah oui. Ah ouais, ça fera bien. Énorme comme la tablette, 18,5 pouces. Hein. C'est comme. Oh, c'est lourd ça. C'est lourd comme le françoisiche. Hein. Lui, il fait 18,5 pouces, mais juste, tu vois, pour un petit centimètre carré. Des doigts. Voilà, c'est ça. Bravo Fabien, je prends tes coordonnées tout de suite. Merci. C'est Dylan qui va le faire. Oui. Et je te souhaite une très bonne soirée, ça va? Merci à vous. A bientôt, merci à toi. Hein. Merci, à bientôt. Porte-toi bien, ciao, ciao. Allez, tout de suite, c'est Mike Open Space qui va démarrer. Et d'ailleurs, son jingle vient de démarrer. Et le jingle a démarré. Non, mais ça va, attends, je le remets depuis le début. Bonne nuit, Lara, bonne soirée à toi. Bonne nuit, Vince, bonne nuit à tout le monde. Merci pour mon anniversaire. Est-ce que c'est encore mon. Non, c'est fini. Si, si, c'est jusqu'à minuit techniquement. Il est 23h04. Il est 23h04, je crois que c'est pas grave. Oui, j'ai perdu, j'ai dit oui. Merci, Tonton Roger aussi. Merci à toi. Lara, on retrouve prochainement la Françoise Chili à demain avec Enzo et Luffy. Et merci à Dylan qui nous a rendu service aujourd'hui. Avec grand plaisir. Voilà, c'est bien, tu n'as pas perdu le talent que je t'ai inculqué. Ce standard a été très très bien. Ça fait plaisir. Voilà, hein, franchement, il était bon ce soir. Hein. Ouais. Ah, ça se voit. Un an de formation, il a fallu pour arriver à ça quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Voilà. Ça va, prends pas la grosse tête non plus. Hein. Comme quoi, le standard, c'est comme le vélo, ben, ça se perd pas. Sauf le standard de Liège, lui, il perd. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Mike, bisous, bisous. 23h. La journée se termine. Vos paupières sont lourdes. La lumière vient de s'éteindre. Mais ne dormez pas encore. Un vent de liberté s'engouffre dans votre rue. Il souffle jusqu'à pénétrer chaque recoin de votre chambre, de votre véhicule. Vos poils se hérissent, votre pouce accélère. L'heure est venue de l'ouvrir. Ne restez pas caché sous votre couette. Levez-vous et montez le son de la radio. Montez-le encore, encore. Le voisin gueule, on s'en tape. Soyez où que vous soyez, la nuit ne fait que commencer. Total délire, 100% tolérance, Radio Bordel. Mike Open Space. Jusqu'à 2h sur Fun Radio. Et bonsoir la Belgique, bienvenue tout le monde, 23h05, c'est parti, on est ravis de vous retrouver jusqu'à 2h du matin. 3h de conneries à la radio avec toute l'équipe qui s'installe. L'Open Space est là, bonsoir Jonathan. Bonsoir Mike. Ta journée très très pourrie. T'as fait quoi? Bah écoute, à midi j'ai été au service après-vente d'un revendeur Apple, je vais pas citer la marque. Et je suis resté là-bas 2h30. Attends, il est magique. D'un revendeur Apple, je vais pas citer la marque. Mais non mais c'est pas Apple, c'est pas l'Apple Store, c'est un revendeur à ma... C'est ça, c'est un prénom masculin ou féminin, ça dépend. Et je suis resté là-bas 2h30, en fait j'avais un problème avec mon Mac. Et alors j'ai vu des clients défiler. Genre une meuf, elle savait pas, elle disait qu'elle entendait rien dans son téléphone en fait. Mais il suffisait juste qu'elle retire le film plastique de son nouveau téléphone. C'était la tanasse. Oh franchement. Connasse sur connasse sur connasse. J'en pouvais plus et j'ai... Non mais on devrait interdire la technologie aux meufs. Je commence par un propos machiste. Ouais mais t'as raison, Faites le ménage, ne vous occupez pas du reste s'il c'est vous ça, plaît. C'est ça. Et même... Bienvenue sur Radio Mathieu Bussel aussi hein, jusqu'à 2h du matin. Et en plus de les interdire, je pense qu'il faudrait carrément lapider ces gens. Non. Tu sais, c'est Jonathan, il va toujours un peu trop loin dans la vanne. Un peu trop, ouais. Bon, Jonathan qui est là ce soir. Il y a pas Coralie, on lui fait un gros bisou. Bisous Coralie. Il y a Zezel qui est là du coup ce soir au standard. Bonsoir mon Zezel. Et salut tout le monde. L'homme de l'ombre, ça va bien Zezel? Nickel. Ta journée tranquille? Ouais, je kiffe. Rien à signaler? Rien à signaler pour le moment. Bon, très bien. Zezel qui parle en phrase. On dirait un DJ, Zezel. Dans quelques instants, je vous passe le dernier Claude François. Oh oui, c'est de la bonne. Non, ta gueule. Tu vas me faire fuir tout le monde. Et après moi j'en fais trop hein. Allez, bon je sens bien encore cette émission les amis. On salue Jérôme aussi qui check les SMS au 3044. Il y aura Mike Posner à venir tout à l'heure sur Fun. C'est pour débuter l'émission, il y a un son que vous voulez vous écouter, vous m'en faites la demande au 3044. Ça va Jérôme? Super bien, on check les SMS comme tu viens de dire. Et puis 3044, n'hésitez pas. Et puis on vous rappelle tout à l'heure. Et puis aller à Voyance aussi hein. Oui, très bien, bah, tu veux pas prendre ma place aussi. C'est ça. Oui, il y aura la voyance tout à l'heure, la voyance en direct, hein, comme tous les mercredis soirs sur Fun Radio à partir de minuit. Il y a Alex D qui sera là et qui répondra à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir sentimental, sur votre avenir personnel, professionnel. Ouais. Vous nous appelez au 02 851 4x0, connectez aussi ce soir sur tous les réseaux sociaux de l'émission. Le Facebook, c'est Mike Open Space, allez rejoindre la grande famille de l'Open Space qui s'agrandit de jour en jour. Il y aura le tap à l'info mec tout à l'heure de Calais. Ça arrive. Tape à l'info mec Jonathan, je rappelle, il a sélectionné des informations insolites. C'est ça. Il vous donne le début, vous jouez contre quelqu'un de l'Open Space, à vous de trouver la fin. C'est le tape à l'info qui arrive et qui vous permettra de repartir avec du cadeau. Zezel, voilà. Tu peux mettre le premier, je te le demande depuis 20 minutes s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Parle dans ton micro. Con, je le mets tout de suite. Ah merci. Voilà. Il a pas l'habitude de faire chier ce soir. Bonsoir Thomas. Salut l'équipe, salut Marie, salut l'Open Space. Tu vas bien mon pote? Bien et vous? Bah ouais tranquillement, ça fait plaisir d'être là. Thomas, 23 ans, tu m'appelles de Bruxelles, t'as passé une bonne journée? Bon tranquille hein, boulot. Tu taffes dans quoi toi? Moi je suis dans l'événementiel. D'accord, ok. Pas trop d'événements en ce moment mais... Bah non, ça va bouger cet été non? Il y a des soirées et tout qui sont organisées là non? Bah ouais mais je suis pas trop dessus, après je suis mauvais tu sais. D'accord, bah écoute, on passe un appel. Thomas, tu fais un prix. Hein. S'il y a un auditeur qui a besoin d'organiser une soirée, tu lui fais un petit prix. Oui, c'est ça, mais quand même, faut que je vive. Hein. Bah ouais, bah attends, tu fais quoi, combien? 10%? Fais 10%. Fais 5 euros, c'est pas mal. Oh, non, fais 10%. Ouais, j'offre le gâteau. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va y aller. Allez, ça va décoller. Thomas, frérot, t'es l'auditeur mystère de ce soir. On doit trouver pourquoi tu nous appelles. C'est vous à la maison qui allez poser vos questions au 3044. Et si on trouve, Thomas, tu repars avec du cadeau. Est-ce que tu as un indice à me donner? Ouais, l'indice tout simple, c'est ça se passe la nuit. C'est quand je dors, je peux pas m'empêcher de le faire. D'accord, un truc. Juste la nuit? Juste la nuit, enfin dès que je dors. Dès que tu dors, ok, très bien. Qu'est-ce que fait Thomas quand il dort? Qu'est-ce qu'il peut pas s'empêcher de faire? Faites vos propositions au 3044 et vous balancez vos questions. Si vous nous... proposer la question qui nous permet d'avoir la bonne réponse, vous repartez avec du cadeau Fun Radio. Thomas, il y en aura aussi pour toi, tu ne bouges pas, ok? Super, je vais pouvoir faire ça au prochain mariage que j'organise. Yes, allez, frérot. Et voilà, pas cher le recyclage. Il y aura le Just Thinking Prix aussi qui arrive tout à l'heure. Ça arrive, ouais. C'est Jérôme qui a préparé aujourd'hui le Just Thinking Prix, puisque ça a été le dernier à y perdre. Il nous a ramené un objet. Ouais. On doit en déterminer le prix. Oui. Celui qui sera le plus éloigné subira les foudres de Jérôme. Voici Mike Posner sur Fun Radio. Ah, je sais, ça vend du rêve. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me, Never really know why, like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I know a sad soul. Sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage. Stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs. Sad songs. Darling, oh, I know sad songs. Sad songs. Et merci d'écouter Fun Radio jusqu'à 2h du matin. On est là. Bienvenue dans l'émission la plus incontrôlable du pays. C'est l'Open Space avec vous. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space. Le soir sur Fun Radio. Avec Jonathan qui squatte l'émission. Je suis là. Comme tous les soirs. Le tapin l'info mec qui arrive. Vous voulez jouer avec nous. Vous inscrivez au 3044. Il y a les réseaux sociaux. On est connecté dessus ce soir. Le Facebook c'est Mike Open Space. Alors c'est moi qui m'y colle en plus ce soir. C'est moi qui parle avec vous directement sur, ouais, sur le réseau social Facebook. Et puis surtout tout le reste hein, sur Twitter. Le compte officiel de l'émission. C'est Mike Fun Radio. Et aussi, la petite précision, le petit argument de vente. Ah, tu kiffes ça, hein. C'est quand tu retweets, c'est quand tu refollow back les gens. Bah, je follow back, je retweet, ouais. Bah, tu retweets et tu refollow back les gens. On parle ensemble sur Twitter, c'est cool, c'est sympa. Et puis, il y a le Snapchat aussi pour découvrir un petit peu les photos et vidéos, les coulisses de l'émission. C'est le Snapchat officiel, Mike Open Space. Dans 5 minutes, il y a le son de Rizla qu'on va s'écouter. Je m'en fous. C'est Rizla, non pas Rizla. Ça, c'est les chocolats. D'ailleurs. Oui. Ça m'étonnerait pas que demain tu fasses la première du soir. Parce que là on vient de te tweeter en disant Mike Open Space veut interdire la technologie aux femmes. Ouais non mais c'est des conneries, on rigole bien les gars, sûr, bien de second sûr. Degré les amis. Bon Thomas t'es toujours là frérot. Toujours. 23 ans BX, la pêche Thomas. Et Thomas, en fait, toi, tu es l'auditeur mystère de ce soir. C'est-à-dire qu'on doit trouver pourquoi est-ce que tu nous appelles. Et chez vous, à la maison, vous devez essayer de poser des questions au 3044 pour trouver pourquoi Thomas nous appelle. Si vous avez la bonne réponse, vous repartez avec du cadeau. Et si on trouve, Thomas aussi, cadeau pour toi. Tu m'as donné un indice, tu peux me le répéter? Ouais, c'est quand je dors la nuit, je peux pas m'empêcher de faire un truc. Quoi? 3044 pour poser vos questions dans l'équipe. Vous êtes prêts? On y va. Allez. 2 minutes, vas-y. Top chrono. C'est parti. Tu peux pas t'empêcher de manger. Non. Tu peux pas t'empêcher de péter. T'as le droit de ton pardon, pardon évidemment. Non mais péter, tu t'en rends pas compte quand tu dors. Je sais pas, tu peux pas. T'es genre somnambule comme ça, tu te réveilles pendant la nuit. Là franchement je trouve que tu te rapproches mais t'es encore loin. C'est une forme de somnambulisme. Une forme de somnambulisme. Je sais pas, t'envoies des textos pendant la nuit. Non. Ce serait pas très pratique, quoi, non. Putain. Ah non, c'est pas pratique. Ah putain, t'imagines, tu t'exotes ton patron, Zézel. Est-ce que tu visites des lieux cultes pendant la nuit? Je visite des lieux cultes. Je sais pas trop comment répondre à cette question, mais ça peut être oui, ça peut être non. On nous a dit tu ronfles au 30-44. Bah non, c'est pas non. Ça, c'est pas une forme de somnambulisme. Tu vas sur ton GSM, tu grinces des dents, Salvatore de Serein qui nous dit ça. Il s'en rend pas compte alors. Non. On peut lui signaler, hein. Genre, je sais pas, tu te réveilles en plein milieu de la nuit et puis tu commences à masturber. 30-44. Ça chauffe, les gars. Mais ça chauffe. Encore un petit peu à côté. On nous dit il peut pas s'empêcher d'avoir des rapports sexuels la nuit. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà, on a la bonne réponse. Ah, c'est ça. Avec 40 secondes d'avance sur le chrono, on a la bonne réponse. Ah ouais, c'est chaud. Hey, mais quand il est tout seul, il fait comment? Je suis rarement tout seul. Bon, après, quand je suis tout seul, il y a la main droite, hein, mais. T'es en couple actuellement? Ça fait pour défaite, hein, les gars. T'es en couple? Ouais, je suis avec ma maman depuis 6 mois, mais elle en peut plus. D'accord, et en fait, mais c'est un nom ce truc là, j'avais vu un reportage là-dessus, c'est la sexomnie, justement, ouais. On en parlait hier justement. Mais attends, moi j'ai vu ça dans Desperate Housewives et c'est pas une blague, genre il y a Gabriel Solis qui dit à son mari à un moment. Là, non, références. Mais attends, la référence. Ah, mais attendez, écoutez la référence du gars quand même. Hein. Non, mais dans Desperate Housewives, dans la saison 8, il y a Gabriel Solis qui croit qu'elle a trompé son mari et tout en disant que voilà, qu'elle a fait un gosse, etc. Et donc elle provoque une sexomnie. Mais ouais. Je pensais que c'était un mythe, enfin je veux dire. On voit et dans la saison 12, on retrouve tes couilles aussi, Jonathan. Heureusement pour tout le monde, ils se sont arrêtés à la saison 8. Non, mais donc voilà, tu te réveilles la nuit et tu dis putain chérie, j'ai envie de te faire l'amour. Ah, tu peux pas t'en empêcher. Non, pas forcément, et c'est pour ça qu'elle n'en peut plus. Ah, tu la réveilles pas? Mais c'est pas bien, faut pas faire ça. Ça s'appelle du viol, hein. Je la réveille pas avec des mots, je la réveille différemment. Ah putain. D'accord. Avec la queue. Et sinon, tu te rendors pas, c'est quoi le délire? Bah, sinon, je pète un câble. Je viens, on baise. Oh non, mais oh, alors relou, quoi. Baraque service. Non, mais... Thomas, tu peux pas faire ça. Bah, la preuve que si, hein. Mais la pauvre. Et du reste, elle est pas là ce soir, hein. Je me demande pourquoi. Tu m'étonnes, maintenant elle donne tous les deux jours chez la Besta maintenant. Et c'est chaud, mais ça me rappelle une histoire. C'est un jour, j'avais été boire un verre avec mon meilleur pote. Et genre, il avait dormi chez moi à la maison. Mais à l'époque, je vivais chez mes parents, donc j'avais forcément un lit. Et c'était mon seul lit d'ailleurs. Il y avait pas de chambre d'amis, donc il dort avec moi. Mais c'est mon meilleur pote, donc tranquille, on se connaît depuis des années. Oui, on a compris. Et tellement j'étais bourré, il paraît que pendant la nuit, genre, j'ai mis ma jambe au-dessus de la sienne. Ah ouais. Et bon, après, on l'a tous fait, ça, plus ou moins. Ouais, mais c'est chaud, tu dors avec quelqu'un. C'est mon meilleur pote et tout. Non, mais c'est inconscient. Non, oui, c'est inconscient. Thomas, quand je dis on l'a tous fait. Non, mais je veux dire, non, mais c'est ton inconscient. Ouais, mais. Genre, qui n'a jamais fait, je sais pas, moi, ça vous est jamais arrivé, moi, ça m'est déjà arrivé, tu dors à côté d'un pote, et ton pote, il a un rêve érotique, ah ouais, et il fait des bruits chelous, et c'est gênant. Si ça vous est déjà arrivé, racontez-nous sur les SMS 344, mais tu sais plus où te mettre, enfin, du coup, tu sors du lit, quoi, tu vas dormir dans le canapé. Mais c'est surtout le lendemain quand on te le rappelle, en fait, tu vois, autant tu dors, tu t'en rappelles pas, mais le lendemain quand ton pote te le dit, c'est chaud quand même. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, justement, de me réveiller comme ça, je me rappelle très bien, je me suis réveillé. J'ai commencé à chauffer, tu vois, la meuf qui était à côté de moi, tu vois, ouais. À caresser sensuellement, à toucher, tu vois. Et là, j'ai entendu... Voilà. C'était une chèvre. Ouais, pardon. Ah non, voilà. C'était Maître Gims, en fait. Voilà, c'est sur cette vanne que j'arrête définitivement ma carrière radiophonique, je me casse. C'est tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans l'équipe, vous, chez vous, vous vous réveillez, vous avez absolument besoin de faire l'amour? Dites-moi sur l'SMS 3044, Zézel. En fait, moi, ça m'arrive, mais c'est tout au long de la journée, c'est pas que pendant la nuit, quoi. Oui. Le mec est chaud. Non, mais toi, t'es juste un queutard, Zézel. Ah ouais, mais j'assume, hein. Oui, et il nous racontait hier, Zézel, dans l'émission, qu'il était parti en club libertin avec sa meuf. Ouais, lundi. Oui. Et d'ailleurs, j'avais promis qu'on rencontrait la suite, Zézel. Qu'est-ce que tu as fait samedi soir en club libertin, où tu lis ou jeudi? On a juste été maté, c'est tout. Non, frérot. Non, on a juste maté. Non, frérot. On a juste maté. Je raconte tout aux auditeurs. Frère. Attends. Non. Bah, je raconte tout. Zézel, il a consommé en club libertin. Il a consommé, et en plus, il a consommé beaucoup d'alcool. Une quebla. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ah, ça, tu m'as pas dit. Ah, il est trop mal, c'est celle. Ah merde. Bon, on dit sur les SMS au 3044. Ce message est pour Paul de la régie. Quand on donne sa parole, on la respecte. Et il m'a dit qu'il allait m'appeler à 20h pour un jeu. Paul de la régie. D'accord, bah ça doit pas être chez nous, frérot. Non. On nous dit aussi, moi ma meuf m'a déjà réveillé. Elle était en train de gémir, elle faisait des rêves érotiques. Ah bah voyez. Ouais, mais... Et ça c'est... Mais moi, est-ce que vous faites souvent des rêves érotiques, vous? Des rêves érotiques, je m'en rappelle pas. Mais par contre, il y a un truc qui est systématique, c'est quand j'ai une gueule de bois, à chaque fois, j'ai envie de me branler quand je me réveille. Mais c'est quand je suis en gueule de bois, tu vois. Mais c'est un truc, je peux pas contrôler, tu vois. Non, mais moi, je fais souvent des rêves érotiques, mais j'ai tellement la loose dans mes rêves érotiques, je fais le coup de la panne. Ou alors je fais des micro-siestes, tu vois, vu que je suis précoce, on va pas se mentir. Même dans les rêves. Ah bah ouais, bah c'est la tristesse du dos. Thomas, bah écoute mon pote, tant que ça dérange pas ta meuf, j'ai envie de te dire c'est pas un souci, mais bon, le jour où elle va râler, bah faudra arrêter hein. Bah elle en peut plus hein, elle est à bout hein. Elle est toute sa vie. Ah oh, putain la pauvre, enfin, c'est ça, franchement je la plains. J'imagine les discussions au boulot le matin, oh putain elle m'a encore pris cette nuit. Je pense sans trop m'avancer qu'elle garde ça pour elle hein. Bon hey, Thomas, cadeau qui arrive à la maison. Comment après ce propos je peux lui filer du cadeau? Ouais c'est pas grave, cadeau qui arrive à la maison, Thomas tu raccroches pas. Tu t'en passes Zézé, on prend de cordonnier. Salut frérot, tu reviens quand à tu plus, veux ciao. Dans l'émission. Salut. 02851 4x0 pour faire comme Thomas. Vanessa sera la suivante, allô Vanessa. Bonsoir Vanessa. Ça va Vanessa? Ça va et vous? Ben oui, bienvenue Vanessa dans l'open space. Tu veux me parler coiffure? Ah non, tu veux me parler quoi Vanessa? De coiffure. Tu veux me parler de quoi, dis-moi? Bah en fait j'ai rencontré un mec sur Tinder et je voudrais vous poser des... Enfin, ah oui, c'est ça. Des conseils en fait. Tu vas l'accueillir dans ton appartement, on en parle après Alexa. Bouge pas. Laisse-moi la jeter. J'avoue là c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange pour retourner à la Belgique. Merci le jingle qui se coupe en plein milieu. 23h24 sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi les amis. Vous nous appelez, faites-moi exposer le standard au 02851 4x0. Il y a un gros son dans la radio pour s'ambiancer. Calvin Harris, Rihanna, c'est ce que je vous cale dans 5 minutes. Demandé par Romain, par Julien sur la SMS 3044, par Steven aussi. Bah, vous connaissez la formule hein. C'est vous qui faites cette émission. Et la programmation musicale aussi. Nous envoyez les sons que vous voulez vous écouter là au 3044, il n'y a pas de souci, la famille. Vous réagissez à l'émission sur les réseaux sociaux. Ouais. Et Vanessa qui est dans la radio. Allô Vanessa. Salut Vanessa. Bonsoir. Bonsoir Vanessa, 20 ans, tu m'appelles de Forêt. Tu es juste à côté des studios. Tu veux pas passer au studio, ma meuf est pas là ce soir. Et Coraline n'est pas là ce soir, Vanessa. Et t'en profites. Hein. Non, j'en profite pas, mais bon, de toute façon, elle n'écoute pas, je sais. Je suis tranquille, je suis au calme. Vanessa? Oui. Bon, apparemment, je viens de me prendre un gros râteau devant toute la Belgique. Bon, allez, dis-moi pourquoi tu m'appelles Vanessa, s'il te plaît. Bah, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai rencontré un mec sur Tinder. Ouais. Et en fait, on s'est vu, on a été boire un verre et tout, chic-chac. Mais maintenant, il vient à Bruxelles ce week-end. D'accord, alors excuse-moi parce qu'on a des coupures. Je sais pas si vous entendez les petites coupures. On a des coupures dans le casque en fait. Je crois que je vais simplement t'expliquer par une théorie. Ouais, non, ils sont pas passé 20 ans là-dessus. Non, mais je crois qu'ils sont en train de faire des maintenances. Ils sont occupés, ouais. Et Vanessa, alors très bien. Si j'ai bien compris, t'as rencontré un mec sur Tinder et tu vas l'inviter chez toi ce week-end, c'est ça? Voilà. D'accord, et alors c'est quoi le problème? C'est cool. Mais le problème, c'est que moi, je suis un peu garçon manqué, quoi. J'ai un style de vie et comme un garçon. Chez moi, tu vas venir chez moi, il y a de la bière, il y a du vin, il y a des linges sales partout, de la vaisselle. Ouais. Chez moi, il y a des foot partout. Bah, t'as qu'à ranger, c'est ce week-end, on est mercredi, t'as le temps, il vient quand? Il vient samedi, oh, non? Mais j'ai la flamme. Ouais, mais si t'as envie d'avoir ton plan qui fonctionne, il faut bien faire un petit peu d'effort quand même, hein. Ouais, mais il n'y a pas que ça, c'est le fait que voilà, chez moi, il n'y a rien de rose en fait. C'est voilà, on dirait que c'est chez un garçon, pas chez une fille. Bah écoute, deux solutions, ou tu retires tout et tu ranges, ou tu vas te toucher toute seule le samedi soir, hein. J'ai pas d'autre solution. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est compliqué si tu vis comme un garçon. Ou alors, tu ressembles physiquement peut-être à un garçon, enfin, t'as une dégaine de garçon, tu t'habilles peut-être. Non, justement. Pas très non. Féminin, non, si. Ok. Bah, il va pas s'y attendre alors. Bah ouais. Ou tu le préviens. Non, c'est une surprise. C'est pas la surprise. D'un côté, tu vois, les mecs, je pense qu'on aime bien les meufs un peu garçons manqués, enfin, genre qui kiffent le foot, qui kiffent les jeux vidéo, tu vois. Donc, ouais, pour avoir des points communs avec ta meuf, ouais, mais peut-être pas physiquement et dans les attitudes après. Moi personnellement, je sais que je suis ultra bordélique. Si j'ai une meuf ultra bordélique, voilà, au bout d'un moment, c'est. Ah, ça va, c'est pas possible. Ça va pas le faire, il va y avoir un problème. Je sais pas. Dites-moi ce qui est rédhibitoire vous chez vous quand vous arrivez la première fois chez une meuf ou chez un mec, quand vous rentrez la première fois dans son appartement. Dites-moi chez vous à la maison ce qui vous bloque direct. 3044 au 02851 4x0. Vous pouvez me passer un petit coup de fil, Jonathan. Bah moi ce qui me bloque, c'est je suis très maniaque en fait, c'est ça. Donc moi ce qui me bloque, c'est si je rentre dans la part d'une meuf et que c'est dégueulasse, bah ça reflète un peu sa personnalité, donc je vais me dire que la meuf est dégueulasse. Donc je vais pas aller plus loin que ça et c'est un peu con, mais je suis assez mania quand même. Surtout maintenant, depuis que je vis seul depuis un an, bah c'est encore pire. Ouais, c'est pour ça Vanessa, il faut pas lui donner de faux préjugés sur toi. Ah ouais. Bien que tu ranges. D'accord? D'accord. Bon, c'est un conseil bidon, hein, cela dit. Hein. Moi, ce qui me bloque, c'est quand je trouve sa carte d'identité. Bah c'est comme ça que j'ai appris que je sortais avec un Gérard en fait. ma belle blonde n'était pas du tout une belle blonde, les gars. Je vous le dis tout de suite. Des fois, on a des surprises, on s'y attend pas, mon zézel. Est-ce qu'il y a des trucs rédhibitoires pour toi quand tu rentres la première fois dans l'appartement d'une meuf? Alors lui, il baisse tout ce qui bouge. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Lui, il a pas de généralement, principe. Je rentre même pas chez les gens. Le gars, il a pas de règles. Hein. Il a aucun concept. Il a rien, aucune valeur. Hein. Enfin, je fais ça entre deux voitures, moi. Ah non. Franchement, Zézel, et puis ça peut être ton ex, hein. Ça peut être n'importe qui. Zézel, il va y aller. Hein. Ah ouais, moi direct. Hein. D'accord. Plutôt deux fois qu'une, quoi. Tiens, justement, vite fait, j'ai une étude. Alors, ouais. Ça a peut-être pas forcément hyper intéressé, mais parce que c'est une étude sur ce que détestent les meufs dans l'appart de leur mec. Oui. Justement, alors peut-être que chez vous ça va vous intéresser, je vais vous la dire. Alors, principalement, les personnes détestent trouver du sopalin ou des serviettes de fast-food à la place du PQ. Bah, est-ce logique. Que chez vous à la maison? Des ailes? Oui ou non? Non. Bah oui, d'office. Hein. Photo de la maman sur la table de nuit. Là, les filles ne supportent pas trouver ça, c'est leur mec. Bah sachez-le, c'est les résultats du sondage, je l'ai pas inventé. Ah non, mais on te croit, mais j'ai jamais de photo de ma mère dans mon appart, quoi. Enfin... Bah ça dépend, parce que si c'est ton ex en même temps comme Zézel, bah si ta mère c'est aussi ton ex, Zézel, ça passe. Des tampons dans la salle de bain également. Ah putain, non, ouais, ça je peux pas. Ça c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Ah ça, mais arrête, c'est immonde, c'est dégueulasse, ça donne envie de vomir limite. Non, mais c'est surtout la preuve qu'il y a une autre meuf. Ah ouais, aussi, j'avais pas vu ça comme ça. Si vous rentrez dans l'appartement d'un mec, vous trouvez des tampons, il y a de fortes chances qu'il y ait une autre meuf. Ah carrément, ouais. Ou quoique, moi j'en ai des tampons. Hein. Des tampons, toi? Bah oui, à Deleuze c'est 1€ moins cher que les boules caisses. Bah, c'est pour ça, les gars, y a pas de petites économies. Ah mon dieu. Des miroirs au-dessus du lit, vous détestez les filles, ça apparemment. Des haltères dans le salon. Voilà, je sais pas pourquoi vous détestez les haltères dans le salon. C'est macho. Hein. Préfère sortir avec des gros. Enfin, on va gagner, quoi. On y arrivera un jour. J'en ai un dernier. Des exemplaires de Mickey Magazine dans les WC. Dans la toilette. Ah, le journal de Mickey? Ouais. Mais qui a ça? Moi. À part les enfants. Toi ? Bah ouais. Mais putain, mais les enfants de 15 ans, ça, j'avais bah attends, mais sur, si, on peut, si on peut plus se masturber tranquillement aussi. Oh putain, non. Mais oh s'ils arrêteraient de foutre Donald en petit col V là, excuse-moi, c'est assez sexy. Hein, moi, ça me chauffe de ouf. Bon, mais moi, mon conseil, c'est que tu devrais tout ranger, Vanessa. Mm-hmm, et tu ranger. Devrais voilà, cacher ces traits de ta personnalité pour le moment, en tout cas, le temps qu'il tombe un peu amoureux de toi. Ouais, mais si ça lui plaît pas après. Ouais, c'est ça, au moins, ou alors si ça lui plaît pas, tu seras fixé quoi. Si toi t'es pas prête à changer, si tu veux rester comme ça et sous aucun prétexte tu changerais, bah. Accueille-le, accueille-le dans le même appart que dans lequel tu vis et. Bah oui. Et on verra bien et voilà. Et je sais pas comment terminer cette phrase, on va pas se mentir. Non, mais moi ce que je me demandais, c'est simplement pourquoi t'as invité le mec si t'es dégueulasse, enfin si ton appart est dégueulasse, tu vois. C'est encore toi qui mène les rênes, donc tu peux lui dire de reporter le dos ou un truc comme ça. Bah, ça reviendra au même. Bah oui, ça reviendra au même. Le problème sera toujours pareil. Ah. On l'a perdu, est-ce qu'on peut la rappeler là, vite fait? Bon, on va la rappeler tout de suite, Zézel. Merci, tu parles dans ton micro la prochaine fois que tu t'exprimes sur cette antenne. Je la rappelle tout de suite, excuse-moi. Zézel. Il aurait pu... Bon, 3044 pour balancer vos SMS, 02-851-4x0 pour nous appeler. On nous dit, moi je veux juste savoir si vous étiez choqué comme moi et mes collègues par la gourde de l'animateur de votre radio à 23h15 vis-à-vis du mois du Ramadan. Ah oui, c'est hier. C'est vrai qu'on avait fait une boulette hier. On a dit une connerie. Tu avais. Non, mais c'est vrai que des fois je fais des vannes et on fait la petite boulette. Oui. Salut l'équipe. Non, mais d'ailleurs, encore très bon Ramadan à tous les musulmans qui nous écoutent. Ramadan Mabrouk, les amis. Bon courage, surtout avec le temps qu'il fait. Putain, c'est galère. Salut l'équipe, ça dépend ce qu'elle cherche, si elle cherche du sérieux ou si elle cherche juste à se faire dézinguer. C'est Jérôme de la Louvière qui nous dit ça. Ouais, Vanessa, toi, tu cherches du sérieux. Hein. Ouais. Elle cherche du sérieux. Bon. Non, d'accord. Très bien. Rien, je m'en fous, moi, si son appartement est dégueulasse. Si elle y a bière chez elle, je veux bien son numéro, on nous dit. De quoi? De la merde? De la bière. SCH Fusil, en faisant une petite dédicace à mon meilleur ami Bido, en lui faisant de gros bisous. C'est passé, SCH. Bon, Vanessa, arrange tout chez toi. Ou alors, si tu veux pas te cacher, bah écoute, fais-toi pas chier. Je te dise. D'accord. Voilà. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on ait donné. Ah, ça va. Ah mais tu sais moi, enfin écoute, je sais pas, parce que normalement moi la première fois quand t'arrives dans l'appartement d'un mec ou d'une meuf, tu t'en souviens pas, t'es bourré quoi. Enfin, ouais. Pas se mentir, enfin moi c'est ma technique, c'est la technique que j'adopte. Bisous Vanessa. A plus Vanessa. Bisous. A bientôt dans l'open space. Bisous ma chérie. 02-851-4x0 23h32. Je lui range mes élastiques, on nous dit au 30-44. La classe. Le bordel, la propreté, là j'ose pas boire un coup. C'est Déby qui nous dit ça au 30-44. Merci à toi ma Déby qui est connectée comme chaque soir. La fidèle auditrice Déby, ça fait plaisir. Dans 3 minutes, tape à l'info mec avec Jonathan. Il arrive. Vous voulez jouer avec Jonathan face à quelqu'un de l'équipe, et bien vous vous inscrivez en envoyant maintenant un SMS au 30-44. Cadeau Fun Radio pour vous, juste après le son de Calvin Harris et Rihanna sur Fun. Bonne nuit tout le monde, merci d'être là, c'est l'Open Space. Strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. We'll be right back. what you came for. Lightning strikes every time she moves. Merci d'écouter Fun Radio. Toutes les origines, toutes les religions, chrétiens, juifs, musulmans, athées, ramenez-vous, on fout bordel, Open Space. Il est là pour retourner la Belgique, Mike Open Space, sur Fun Radio. Yes, I, avec Jonathan, avec Zezel qui est là ce soir au standard et qui décroche le numéro pour t'appeler Zezel. C'est le 02 851 4x0. Yes, I, on salue Jérôme également qui check les SMS. Et Coralie qui est pas là, on lui fait un gros gros bisou, Coralie. Donc autant vous dire que ce soir, je vais pécho avec ma meuf n'est pas là. Il y aura l'artiste. Mais j'en profite pas. Arrête. Quand le chien n'est pas là, les souris dansent. T'as exactement raison. Ah, exactement, c'est ce que dit Zaya. Il y a l'artiste qui arrive. On y go. J'suis pas ton leader, j'suis pas ton pote. On y go. C'est juste des sons, juste des photos. Maestro, c'est ce qu'on va s'écouter sur Fun Radio. Et Adeline qui est dans le standard. Bonsoir Adeline. Salut. Salut Adeline. Allez, ça va Adeline. Ça va ou quoi Adeline? T'as passé une bonne journée? Oui, nickel. T'as fait quoi? Rien, Netflix. Ah, Netflix. Ah, c'est pas mal. Tu mates quelle série? Pour l'instant, je suis sur Breaking Bad. Ah, Breaking Bad. Très bien. Il meurt à la fin. Non, je déconne. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas vu. Mais non, mais on peut dire ça de toutes les séries parce que de toute façon, c'est ce qui se passe. Non, non, non, bah, non, pas toutes les séries. Il y a des séries où il meurt pas à la fin. Genre, je vais pas balancer, je veux pas spoiler, mais. Trop de boulettes. Non, mais Breaking Bad, c'est le truc avec le gars de Malcolm, là, c'est ça, le père dans Malcolm? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Bon. Très bien, Adeline. Bah, merci de faire une pause dans ta série pour nous appeler, pour jouer avec nous. Ouais. On va se faire un tap à l'info, mec, et tu vas jouer contre Zezel au tap à l'info, ok? Ok, ça va. Ok, Adeline. Alors, je rappelle le concept. Vous allez être opposés donc l'un à l'autre. Jonathan va vous donner des informations insolites. Il vous donne le début. Vous posez des questions. Vous avez 35 secondes pour poser toutes les questions que vous voulez. Il a le droit de répondre par oui ou par non. Et si vous trouvez l'info, eh bien, du cadeau Fun Radio qui arrive pour toi, Adeline. T'as compris? Ok. Ça va, t'as pas l'info mec, on y va. C'est parti. Allez. T'as pas l'info mec. Allez, je suis un peu perturbé, excuse-moi. Tu m'as coupé mon jingle. On y va. Allez Zezel. Ah non non Adeline, c'est qui commence? C'est Zezel ou toi? N'importe. Bah non mais choisis. C'est stratégique. Je sais pas, lui, Zezel. Allez Zezel, allez, toi. Vas-y. Première question. McDonald's propose à ses clients de gagner quelque chose au Japon. Mais quoi ça? De gagner de l'argent. Non. Une voiture. Donc, oui, mais non, non, non, non. Ok, donc de l'argent. Non. De gagner un voyage. Non. De gagner une meuf. 34, hein, si vous avez des idées. Porte-clé. Hein. Non. De gagner un an de bouffe gratuite chez McDo. Non. T'étais pas loin avec de l'argent, mais sous quelle forme plutôt? Un chèque. Non. Un chèque cadeau. Non. Pense à Charlie et à la chocolaterie. Je crois que je connais, j'ai lu l'info. Oui, c'est pas loin. Un ticket d'or. Mais non, non, non, mais reste dans le. Non, reste un dans McDo. Pas un ticket d'or. Hein un truc d'or. Un truc d'or, bah. T'as pas l'info, mec. Mais t'étais pas loin, mec. Bravo pour l'info. C'est un nugget d'or de 18 carats qui propose de mettre dans un restaurant au Japon. Donc ils vont donner des informations comme ça jusqu'au 28 juin. Et le nugget d'or a une valeur de 1 500 $. Oh putain. Voilà. Donc en gros, tu peux tomber dans une boîte de nuggets. Tu demandes une boîte de 6 nuggets. Et dans, parmi l'un d'eux, t'as un nugget en or qui vaut 1500 boules, quoi. D'accord. C'est un truc de dingue, quand même. Ok, très bien. Bah je sais, c'est comme ça que Maggie de Bloc, ça fait déjà 20 piges qu'elle cherche le nugget d'or. A chaque fois, elle se tue aller au McDo, elle prend la grande box. Ah ouais, je te jure. Elle, c'est les kilos d'or qu'elle a pris. Allez, attention Adeline, c'est pour toi celui-ci. Et il y a toujours 0-0 puisque ZZ n'a pas marqué de points. Adeline, à toi. Une meuf pratique quelque chose d'inédit avec son mec. Mais quoi ça? Très insolite d'ailleurs. C'est vaste, hein. Pose des questions, elle a le droit de répondre par oui ou par non. Elle a une pratique, Adeline. Elle a une pratique avec lui. Non. Une pratique. C'est en rapport avec le sexe? Non, pas avec le sexe, non. Une pratique qui développe son instinct maternel un peu. Voilà, un peu son instinct maternel, ouais. Ah, elle a demandé pour allaiter son mec, non? Ouais, t'as l'info. Ouais, t'as l'info. T'as l'info. Bon, elle a pas de me demander en fait. Ce qui s'est passé, c'est que depuis, ça fait 20 ans en fait qu'elle a accouché. Et là, elle prend des médicaments et elle est avec un tube en fait sur son sein. Et elle a cherché un mec qui voulait avoir la même pratique sexuelle entre guillemets, parce qu'on peut appeler ça du sexe. Elle dit qu'elle kiffe quand son mec lui touche les seins et toutes les deux heures, elle donne. Chelou, hein. Elle donne du lait à son mec, son du lait maternel. Toutes les deux heures, elle donne au mec. C'est chaud. C'est dégueulasse. Je trouve ça limite malsain. Ouais, enfin. Oui, c'est pas. Je sais pas. Après, voilà, on est open space. Et elle a dit dans une interview, nous voulions tous les deux la même chose de cette relation, un lien magique qui ne peut être atteint que par l'allaitement. Voilà. D'accord. C'est mignon, mais c'est dégueulasse. Mais ce qui va être marrant, parce que je demande à voir, c'est le couple dans quelques années, quand ils auront un gosse, il dira quoi le mari ? Connard, gosse de merde, laisse-moi allaiter. Je dis, laisse-moi téter, quoi. Non, mais c'est. À fond, mais on est pas loin. On est pas loin. Bon, alors Adeline, en zéro pour toi. Attention, prochaine info pour Zezel. Pour Zezel, Coca-Cola va faire une nouvelle boisson. Mais quoi ça ? Oh mais putain, mais c'est quoi ces questions? Bah vas-y, Coca-Cola, ils ont fait une nouvelle boisson. Oui, nouvelle boisson, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Une boisson piquante, épicée? Non. Une boisson non gazeuse? Non gazeuse, oui. Ok, des jus de fruits? Non. Et la particularité de cette la boisson? La particularité, d'abord trouve la boisson et après la particularité. Boisson énergisante? Non. Boisson plus simple. Somnolente? Plus simple. Plus simple, ouais, mais t'es pas loin là. Putain, une boisson qui donne envie de niquer? Non. Une boisson qui donne envie de je sais pas, de dormir? Oui, mais quoi? C'est quoi la boisson? Une boisson somnifère? Non. Non, mais quel type? Quel type de boisson? Ouais, du coup. T'as pas l'info? Non. De l'eau? De l'eau, c'est ça? Ouais, bravo, j'ai vu le truc. Tu lis toutes les infos, Mike, c'est pas possible. En fait, Coca-Cola. Ah, ça saurait si je bosse quand même en journée. Hein. Coca-Cola, en fait, ils se sont déjà lancés dans les McDo, etc. Surtout aux États-Unis. Il y a pas mal de McDo qui s'est sponsorisé par Coca-Cola. Mais là, ils ont décidé de remplacer la caféine par une substance qui aurait des fonctions apaisantes, relaxantes et anti-stress. Et donc, d'accord, ce sera de l'eau qui donnera envie de dormir en somme. Ok, bah très bien. Mais c'est pas mal. Hein. Bah, ça fait toujours 0 pour Zezel, 1 pour Adeline. C'est quoi, Adeline? On va garder le dernier pour demain. Et allez, petite Adeline, cadeau qui arrive à la maison pour toi, puisque Zezel ne peut plus te rattraper. Bravo Adeline. Ça marche. Et on t'envoie du cadeau. Bravo ma chérie. Je te fais des gros bisous Adeline. Bisous, bonne soirée. A bientôt dans l'Open Space Adeline. Tu reviens quand tu veux. Prochain tapin l'info, quel est demain? Demain 02 851 4x0 pour vous inscrire dans quelques instants. J'ai des news inutiles pour vous. Ah, fucking juste prix aussi. Ah, ça arrive. Juste après le fucking juste prix. Direct. Il y aura aussi Alex D qui sera là à partir de minuit, hein, comme chaque mercredi soir, la voyance en direct sur Fun dans l'Open Space. Vous avez une question à poser à Alex, notre médium, notre expert. Oui. Une question professionnelle, une question sentimentale. Il peut répondre à tout, Alex. À il se base sur votre date de naissance. C'est ça. Et d'ailleurs, on fera aussi la voyance d'Esther avec lui. C'est prévu. Je lui ai demandé de me pronostiquer l'avenir de Kenji, mon chouchou, et de David Guetta qui fera l'ouverture de l'Euro demain. Demain, c'est ça, 22h45. Voilà. Il sera là à minuit, Alex D. Voici l'artiste maestro sur Fun. Pourtant j'arrive gentiment. L'ascension est phénoménale. J'ai voulu prendre mon but poliment. C'est le maestro. Je mets trois coups de tête, deux pour marquer, un pour toucher. Je traverse la piste, y'a que des fous. Minimum avait touché. Tu veux une top, je te fais kiffer. Tu me parles de l'autre, je sais pas qui c'est. Ma vie est faite de plats épicés. De grosses voitures, de femmes métissées. Comme au Brésil, les jeux sont lissés. J'ai rencontré ma femme au lycée. Père de famille, je suis venu la glisser. Et tu te demandes encore qui c'est. C'est le maestro. Si j'en fais trop, pardon, je sais. Je crois que c'est le succès, mais tu sais, je n'en suis pas à mon coup d'essai. J'ai pas lâché, pas lâché, pas lâché. Talent gâché, Jésus cravaché. Je me suis arraché, arraché, arraché. J'y ai cru quand ça ne voulait pas marcher. On y go. J'suis pas ton leader. Je suis pas boxeur. J'ai traversé le monde bédo dans le boxeur. Pas forcément sur les ondes mais dans le top zéro. C'est le peuple qui m'a porté. Le bled qui m'a forgé. Même si l'avenir est incertain, on avance avec fierté. T'as pas de monnaie, tu connais c'est la team. Ton flow est rayé mais c'est pas l'Argentine. Tu n'y arriveras pas même avec créatine. Non tu n'y arriveras pas, je suis trop créatif. C'est l'artiste baby, tu connais le blast. Toutes mes copines te diront que c'est la base. Calma calma, laisse moi kiffer la vibe. Je suis venu cracher ma rage et me barrer comme James. On y go. J'suis pas ton leader. On y go. C'est juste du son, juste des photos. On y go. Tu prends ce qu'on donne, tu donnes ce que tu peux. C'est juste un bis, j'arrive si tu veux. J'suis pas là pour rendre fou les types. Vamonos. Vamonos. Elle a trop de flow. J'suis polygame, pas abusé. C'est mon malheur, abusé. J'ai un tour de trop, mais ils me voient pas parce qu'il n'y a pas de rétro. Dans le métro, j'ai un tour de trop, mais ils me voient pas parce qu'il n'y a pas de rétro. métro, dans le métro, yeah. On y go. J'suis pas ton leader, j'suis pas ton poteau. On y go. C'est juste des sons, juste des photos. On y go. Tu feras ce qu'on donne, tu donnes ce que tu peux. C'est juste un piste, j'arrive si tu veux. J'suis pas là pour rendre fou les types. Bonne nuit la Belgique, merci d'être branché ici. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est l'Open Space avec vous jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio. Fun. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Et on parle avec vous sur tous les réseaux sociaux de l'émission, notamment la page Facebook, c'est Mike Open Space, je compte sur vous pour aller liker la page si ce n'est pas encore fait. Petit coucou à tous ceux déjà connectés, il y a Alan connecté là, il y a Anthony connecté, on big up Gugus, Jean-Pierre, Jimmy, Laura, Lucas, Ludo, Mickaël, Myriam, Nicolas, un autre Nico également, Salvador qui est là. On est beaucoup, on est très nombreux, nombreuses sur le Facebook Mike Open Space, je compte sur vous pour aller rejoindre la page et pour venir réagir à l'émission. On parle ensemble en privé, il y a aussi Twitter. Le Twitter, Jonathan. Le Twitter, c'est MyFunRadio et surtout ton Snapchat, parce qu'hier on a eu une petite galère. Donc ton Snapchat, MyOpenSpace, on l'a pas raconté, ça m'étonne. Tain, hier, sortie d'émission, les gars, je ramène tout le monde. On va avoir la pompe à essence. Alors, comme j'avais que du cash sur moi, on est parti. On est juste à côté, Fun Radio ici. On est à Forêt, donc on est pas loin du ring à Bruxelles. Donc on part sur le ring, il y avait une station essence ouverte. C'est ça. Sauf que c'est Jonathan qui nous guidait. Il a mis son GPS de merde, qui nous a fait prendre des chemins très chelous, Jonathan. Bah, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein, ah, des chemins de campagne, mais en étant. Juste à côté du ring, mais. On était à côté, mais en fait, je crois qu'on était sur une piste cyclable. Ouais, c'est ça. Donc, c'était un peu chaud et on s'est retrouvé bloqué à 1 km. Et on a tombé en panne, voilà. Voilà. Tombé en panne à 1 km, donc c'était sympa. Jonathan flippé, je vous ai pris toutes les vidéos sur le Facebook Mike Open Space. Il y avait Coralie aussi qui y était là. On va faire le juste fucking prix. Il y aura aussi Willy William qui arrive. Alors, ça. Ah, ça, je kiffe, hein. Ça, je suis fan. J'aime tous les sons qu'on passe sur Fun Radio. Non mais c'est pas mal. Mais celui-ci en particulier, le nouveau Willy William là, il déchire, s'appelle Temo, restez bien là si vous l'avez pas encore entendu. Il y aura aussi Return sur Fun Radio. Et donc le fucking juste prix. Oui. Je rappelle le principe du fucking juste prix. Un co-animateur ramène un objet, on doit déterminer le prix de cet objet. Chaque personne note un petit prix sur un bout de feuille, comme ça il n'y a pas de triche. Et celui qui est le plus éloigné subit un gage. Ouais. Le dernier à avoir perdu, c'était Jérôme. Oui. Jérôme, tu as donc ramené un objet. Qu'as-tu ramené? Un objet, putain, il est parti à 20h pour le chercher. Le gars est revenu à 22h30. C'est ça. Non, on va pas se mentir. J'ai qu'est-ce que t'as foutu? Alors qu'on vient de voir l'objet, il est pas fou quand même, tu vois. Mais il est difficile à trouver. Attention. Tu te fous de ma gueule? Non, ça fait le mec, il se fout de notre gueule, mais jusqu'au possible. On est quand même dans Bruxelles, il y a plein de night shop ouvert. Oui, mais un paquet de tucs, tu te fous de ma gueule, frérot. Vas-y, je te donne le défi d'aller trouver quelqu'un, un paquet ici, dans les coins de forêt ou de Uccle, qui a un paquet de tucs. Non, mais en plus, celui que j'ai dans la main. Mais en plus, tu nous fous de notre gueule parce que tu nous téléphones 10 minutes après en disant tu veux du bacon, tu veux du paprika, tu veux ci, tu veux ça, et tu nous ramènes de l'original. Bah oui, parce que vous vouliez pas un autre. Allez. Bon. Alors ben voilà, c'est un paquet de tucs à acheter chez le paquis. Alors, merci l'aveugle. Ah oui, t'as vu. Excuse-moi. C'est pour dire les auditeurs, ils ne voient pas. Je viens d'avoir un appel de la direction de TF1, tu vas faire le télé-shopping dès samedi. Alors, très bien, on doit déterminer le prix du paquet de tucs, prix night shop, attention. Oui. Et le gage, c'est quoi? Alors, donc je sais pas si tu connais ce défi de manger des tucs, il en faut au moins manger 5 en une minute. 5 ? 5 en une minute, c'est un 3. Défi, c'est mais là je vais être gentil, le perdant devra essayer d'en manger 3 en une minute. Non, mais si c'est 5, c'est 5. Non, ça c'est le record du monde. Mais là, ah bah on va essayer de battre le record du monde. Ah non. Quoi. Bah bien sûr que si, 5 en une minute, les gars. On va voir, mais c'est super chaud 5 en une minute ou quand même, ouais. Ça me paraît pas beaucoup. Bah oui, mais ça me paraît pas beaucoup 5 en une minute. Mais non, mais en fait, est-ce que c'est des tucs allégés parce que je suis au régime? Non, c'est original, attention. Alors. Non, putain, mais vas-y, copie pas. Gisèle, t'as marqué? Hey, ouais, copie. Tu te calmes. Tu restes calme, s'il te plaît, j'appelle tes parents. Attention, ça va vite se faire. Bon, alors, moi je mets 3,50€. Oh non, c'est trop. 3,50€, d'accord. Moi je dis 1,85€ quand même. Ouais. Et moi j'ai mis 2,70€. Ah putain, je vais me faire baiser. Ouais, c'est toi, Mike, ouais, c'était pour 1,90€. Ah putain! Oh putain! Je suis toujours super bien. Allez, record du monde. 5, attends, je vais mettre. Je vais mettre il veut le chrono, record du monde, le chrono, donc c'est 6. Ouais, mais s'il en met 5, franchement, il volera déjà, à mon avis. Attends, je mets le chrono. Les conseils, en tout cas, c'est ne pas les avoir les 5 en tout dans la bouche, parce que déjà, tu vas pas réussir à fermer ta bouche. Genre, t'as des conseils et tout, quand même, oui. T'as fait des études et tout. J'ai bossé là-dessus quand même. Attends, Mike. Le gars, il a fait son TFE sur les tucs. Non, mais en même temps, tu m'étonnes, il a mis 2 heures à étudier le dose, donc il peut quand même avoir des renseignements là-dessus. Non, mais attends, j'en sors 5. 23h51. Vous inquiétez pas, l'émission va se poursuivre. Hop. Allez, t'en as 4 là. Allez, le cinquième. Tu me dis quand t'es chaud et je lance le chrono. C'est 1 minute, hein, 1 minute 60 secondes. Ah, il regarde les calories, putain, mais on en peut plus quoi. C'est non, pas mais possible. Attends, mais je me fais chier à aller au sport, les gars. Putain, 116 calories par biscuit là. 116 calories. Tu sais combien c'est 116 calories, c'est 10 minutes de footing, frère. Oh putain, il me fait chier avec ça. Bon, ah, tu allez. Feras 10 minutes en plus. Bon, allez, top chrono, donc 5 tucs en 1 minute. À chaque fois, je perds ce jeu de merde là. Ça commence à me faire chier. On le filme. Vas-y, Jonathan. Allez, 3, 2, 1, parti. Allez, il a coupé de manger le premier. Avale bien, parce faut que. Bien en fait... mâcher, faut bien mâcher. Regarde, il ouais. a déjà du mal. Avale. Mais rigole pas, avale. Ça va, c'est des tucs. Allez, t'as deuxième. T'as 10 secondes, ça va. T'en as un. C'est tout. Ah, t'en as deux dans la bouche, attention. Ouais. C'est chaud, hein. C'est 17 chaud. Secondes. Alors, la technique de Mike, c'est mettre la tête, la tête en. En fait, ce qui se passe, c'est que ça sèche la bouche. Ouais. Donc, au plus il va manger, au plus il va plus pouvoir en fait. Donc, les premiers, non. ça va aller. Là, il est au troisième, là, il a 30 il secondes. Il a mis dans la bouche le troisième, ouais. Ouais. Non, mais j'ai pris les cours avec Jaya. Écoute, on ne parle pas la bite pleine de la bouche. On attaque combien par rapport allez, au. Allez, on est à 37 secondes, 38 37. Là. Attends, il est au quatrième. C'est faisable. N'oublie pas, t'ouvres la bouche, tu nous montres bien ta langue. Ouais, il faut, vas-y, dernier. 12 secondes, Mike, t'es le dernier dans la bouche. Il faut tout avaler. Allez, avale. 10 secondes. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, bravo! Musique d'un coup là. Hey, c'est beau ça. C'est qui le patron les gars? Ah bah c'est toi. Bon je vous laisse, faut que j'aille au sport par contre. Bon allez, donc c'est moi qui ramènerai le cadeau du fucking juste prix. On va morfler putain. Donc on en fera un demain, tiens fucking juste prix. Ah vous allez morfler. Hein. Ah c'est dégueulasse en plus. Brighton c'est ce qui arrive. Bonne soirée sur Fun. Et tu pars le prochain son. The best radio. My station Fun Radio. It's your part alongside the man them called Jason. No protest. If you the girl them, telling them again what we tell them. Pass me a drink to the left, yeah. Said her name was Delilah. And I'm like, you should come my way. See that? Yeah. Hey, I already surrender. Damn girl, that body's fire. You gon' remember my name. Up and meet up. Get on top of me and walk up a sweat. Walk up a sweat. See, we can do it any type of way that you want. I'm thinking maybe you're the right kind of wrong. I'm saying, baby, you won't ever forget my love. You need it, I need it. We can jump in the deep end. I wanna get lost in your love. I just wanna be close to you. Baby girl, I just wanna. And do all the things you.

sont plus forts que les coups. Vis, ce sont les idées qui te poussent à bout. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Celui qui te veut du bien peut aussi te détruire. J'ai vu des gens péter un plan, tourner en rond, parce que fatigués de penser, ils finissent comme des moutons. Des mots à outrance te donneront mal à la tête. L'ironie voudra que le silence te rende bête. Doté de paroles, je pense qu'on n'est pas prêt. Tes propres mots derrière un écran, c'est ça le progrès. De simples mots peuvent changer le cours de ton histoire. Un discours bien manipulé pour plus de pouvoir. Il court, il court, il court. Le bruit de la haine et le bruit de l'amour. La force des mots ravage tout sur son passage et met nos faiblesses en otage. C'est la puissance de tes mots. Puissance de tes mains. Le nouveau Willy Williams sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi les amis, bonne nuit. On est là dans toute la Belgique, quoi que vous fassiez ou que vous soyez, c'est l'Open Space sur Fun. 02-851-4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Avec toute la team et vous tout en direct au 02-851-4x0, faites-moi exploser le standard, on va s'ambiancer avec du gros son qui arrive, c'est Mathieu Canabi. Petite reprise qui fait plaisir là, Mathieu Canabi, Miss California, ouais. Et encore une fois, on est la première radio dans toute la Belgique à vous jouer ce son-là, vous l'avoir fait découvrir. Mathieu Canabi, il y aura du Sika là aussi, tiens, alors le ah, c'est bon, ça. Say You Do, un petit Stromae, ça vous dit en classique ou pas? Vous voulez écouter lequel de Stromae? Moi j'aime bien, tous les mêmes, j'aime bien. Tous les mêmes? Ouais. Attends, bah, ah, j'aime je vais bien. Caler. C'est les auditeurs qui vont choisir. Ok. Alors, vous choisissez tous les mêmes, vous m'envoyez bah, tous les mêmes au 3044. On va mettre quoi d'autre? Tiens, Ave Césaria. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années. 30-44 là si vous voulez vous écouter c'est pas mal, ça, aussi. Un de ces sons de Stromae. Ou alors le Alors on danse. Ah ouais. Ça fait longtemps aussi. Ah grave, ça fait grave longtemps. Alors on danse. C'était sa première musique connue en plus. Ouais, le premier gros carton de Stromae, toute l'Europe, ouais. Là, de Stromae. Vous voulez vous écouter lequel les amis? C'est vous qui choisissez. Vous me dites tout ça au 3044. Si pas bien qui arrive, Alex D aussi évidemment, notre voyant. Ouais. Comme chaque mercredi soir, c'est la voyance en direct dans l'Open Space. Vous appelez au 02-851-4x0, c'est Zezel qui décroche. Et tout de suite, c'est l'heure de vous donner les titres à la une de l'actualité demain comme chaque soir. On est fidèles au rendez-vous. Voici l'heure du JT déjanté. Transformation en journaliste bidon. Hello Gonathan. Hello Zezel. Hello à tous. Des bouts de pommes de terre dans la foufoune. Et oui, apparemment, quand Ken n'est pas là, Barbie couche avec Monsieur Patate. Rappel. Si un homme a un balai à la main, pas de panique, il ne fait pas le ménage, il joue au curling. Il traverse la rue et meurt noyé. Ben oui, quand on sait pas nager, on n'habite pas Venise aussi, merde. Français. On ne dit pas ma femme vient d'avoir son permis de conduire, mais ma femme va bientôt avoir un accident. Oh putain, c'est vrai en plus. Généalogie. Un long cou, des grandes jambes et une petite tête. Plus de doute, Victoria Beckham descend bien d'une autruche. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Ah, il est tout fier d'être dans le jingle, hein, Jonathan. Bah ouais, 6 sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi les amis. Si pas bien, le jeu le plus dur du monde. Attention, j'ai une montre connectée qui va peut-être arriver chez vous à la maison. Si vous prenez votre GSM maintenant et que vous vous inscrivez avec nous, et que vous venez nous défier aussi pas bien dans l'Open Space, sur votre message, vous mettez MIKE au début du message, plus le code si pas bien, ouais. Et vous me balancez ça au 63 20. 22. On rappelle, tout le monde est dans quelques instants. Session d'ici pas bien de ce mercredi soir. Voici Cannabis, Mathieu Cannabis sur Fun Radio. C'est Miss California dans l'Open Space. Libertad. She's Miss California. Mais soyez bons. Et on est là à minuit 9 sur Fun Radio. Merci de passer une partie de vos nuits avec nous. On est ravis d'être là sur Fun jusqu'à 2h du matin. 3h de conneries à la radio. Vous débarquez au 02 851 4x0. Sigala, c'est la suite du Sand Floor. Le nouveau Say You Do. C'est dans 5 minutes, juste après la session du Cipa Bien. Le jeu le plus dur du monde. Serge, 22 putes. J'arrive. Eh ouais, vous le savez, vous remplacez Mamie Simone depuis son triste décès. Oui. Bah, y a rarement des décès joyeux d'ailleurs. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose de la remplacer. Hein? Je sais pas si c'est une bonne chose de la remplacer, mais bon. Bah, ça vous fait du taf. Ça me fait du taf, t'as raison. Bon, Serge, 22 putes, je rappelle qui vous êtes. Vous êtes le chef du service réclamation de Fun Radio. Je suis même plus que ça, je suis le bonze. Voilà, vous êtes toi, tu es le boss de ton émission. Moi, je suis le boss du service de réclamation de Fun Radio, c'est ça. Exactement. Et vous qui faites ce si pas bien, donc je vous ai dit, bah écoutez, comme Amy Simon n'est pas là, vous allez venir avec nous faire le si pas bien tous les soirs. Rappelez-moi les règles du si pas bien. Alors, le si pas bien, c'est pas très compliqué. Il faut pas dire trois mots, si pas bien, tenir 30 secondes, pas 2 secondes de blanc et surtout pas dire deux fois la même chose. Exactement. Le jeu commence à partir du moment où on vous dit bonsoir, les amis, au standard. Faut tenir évidemment une conversation logique, hein, sinon c'est simple. Moi aussi, je peux écrire des mots qui ont pas si pas et bien et tu les ressors comme ça et c'est super simple. Et évidemment, même dans les mots, ça fonctionne pas. Genre merci c'est mort, bienvenue c'est mort. Merci c'est mort, spécial. Hein, dans merci. Spécial aussi. Spécial ça marche pas, ils le sont aussi dans spécial. Est-ce que chouque ça marche? Ah bah chouque ça marche. Est-ce que bébé ça marche? Et non bébé ça marche pas, il y a deux fois bébé. Et voilà, on y va pour le si pas bien, coup d'envoi du si pas bien. Jonathan. Lego. Non, c'est Jonathan qui va le donner. Ah merci parce que ça rejoint de plus, j'en peux plus. Lego. C'est le si pas bien, dans Mike Open Space. Le jeu le plus dur du monde. 02 851 4x0. Serez-vous à la hauteur? Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre maintenant, comme chaque soir sur Fun Radio. Bonsoir Valentin. Ouais, bonsoir. Allô. Oui. Valentin, bonsoir. Je suis là. Ah, tu m'entends, Valentin? Oui, tout à fait. Deux fois oui. Deux fois oui, bien joué. Oh merde. Eh, bien joué Valentin, en tout cas, t'es pas tombé dans le piège. Vous fais, frérot, il y a Gino qui est là pour vous, sergent de pute. Bonsoir Gino. Bonsoir. Ça va? Ça va, et vous? Bah ça va tranquille, ça vient d'où ce prénom là? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu, t'en dis pas. J'ai pas entendu. Oui. Oh, ah oui, Gino. Pas évident, hein, Kate. Gino, bouge pas frérot. Oui. Ok, tu vas avoir une deuxième et même une troisième chance, Gino, dans quelques instants. Il y a Benoît qui est là, de Charleroi. Salut Benoît. C'est pas Bertrand Charleroi? Non, c'est Benoît, très bien. 35 ans, oh, mon petit Benoît, tu fais quoi dans la vie? Comme l'habitude, rien. D'accord, ok. Tu cherches du travail? Oui. Dans quoi? Dans le jardin. D'accord. Bah vas-y, fais ton annonce, vends-toi pour les employeurs qui nous écouteraient. Voilà, si quelqu'un me trouve... Si quelqu'un. Voilà, tu ne feras pas ton annonce, tu le feras tout à l'heure. Ah, ça allait passer limite comme ça. Bouge pas, Benoît. 24 secondes. Valentin pour Serge Chantepette. Salut, Valoche. Salut. Tu vas bien? Ouais. Tu as fait quoi aujourd'hui? Profiter du soleil. T'as fait quoi? Bronzer. Hein? Oh, c'est facile, rien. Ça. Rien. Ah, ok, d'accord. Et sinon, tu bronzes ou tu bronzes pas? Vendeur. Vendeur de quoi? Vêtements. De quoi? De fringues. De fringues. Deux fois, deux vêtements, deux fringues. On va se calmer combien de secondes? Ah, il en fait quand même 25 secondes. On était à 5 secondes de la victoire, Valentin. Ne bouge pas. Fais ma frérot. Gino! Si, Gino, ça va. Ah, Gino, t'arrives avec si! Putain, on est là. Tu me dis si, frérot. On pouvait pas faire pire. Ah, je vais être content là, j'aime bien affronter un Italien, moi. Bouge pas mon Gino. 0 seconde. Eh, il y a l'Euro qui arrive, hein, Gino, hein. Ah ouais, lundi. Supporter de la Squadra. Les deux. Et la Belgique aussi, évidemment, Diable Rouge. Bouge pas, Gino. Ouais. On va en reparler, frérot. Benoît pour Serge. Salut, Serge. Non, Benoît. Ah, Benoît. Connard. Excuse-moi. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Comme d'habitude. Comme d'habitude. T'as fait quoi aujourd'hui? Travailler. Travailler dans quoi? Oh, chez un ami. Chez un ami? Mais oui. Mais oui, deux fois oui. T'as perdu. Ah oui, ami, oui. Il y a le fond, le son i aussi. Excuse-moi, mais moi, on ne m'arnaque pas, inquiète. Ne bouge pas, Benoît. Complètement fou. Mais ce jeu devient de plus en plus un jeu d'escroc. Un jeu de carba. Valentin. Oui. Bon, est-ce que tu vas regarder l'Euro de football, Valentin? Oui. Deux fois oui, Valentin. Ah, et encore. Oh, eh bien, tu le regarderas, mais au poignet, tu n'auras pas de montre connectée, frérot. Bonne soirée, Valentin, c'est perdu. A plus, Valentin. Salut, bisous, mon pote. Je te repasse Zezel, raccroche pas. Gino pour Serge. Allez, dernier tour, Gino, t'es cool ou pas, t'es cool? Je suis là. Tu es là. Et tu fais quoi? Ah, t'as toujours les mêmes questions, Serge, je m'énerve. Je travaille en regardant Mike, en écoutant Mike Open Space. Deux fois Mike, t'as dit deux fois Mike. Et puis deux fois jeu aussi, de toute façon. Non? Peut-être toujours les mêmes questions, mais en tout cas toujours les mêmes réponses, hein. Bonne soirée, Gino. A plus, Gino. Bonne soirée, salut, mon pote. A bientôt dans l'émission. Puisqu'on parlait de l'Euro, tiens, demain, grosse session l'autofoot. C'est ça, ouais, c'est prévu. On pronostique tous les premiers matchs des phases de poule de l'Euro qui commence vendredi. Ah, ça va être chaud. Ah ouais, ça va être lourd. Ah, et la Belgique qui joue lundi contre l'Italie. Hein. C'est ça, gros match. On aura les résultats lundi. Ah, j'ai hâte. Ah, l'Euro va commencer. Ah ouais. Je tiens à dire à ma meuf Coralie qu'elle n'est pas prête de me revoir. Et on est plus près de sortir, Coralie. On va pas sortir pendant un mois. Je te le et en plus, le match il se déroule à 21h. Donc on aura, à mon avis, le résultat pendant l'émission. Ouais, donc ça va être chaud. Super chaud. Non, normalement, c'est 1h45 un match. Donc ils l'auront chez Vince. Mais bon, on en parlera. On verra. Allez, Benoît, dernier tour pour toi, mon Benoît. Oui. Tu vas regarder l'Euro justement, toi? Tout à fait. D'accord. Supporter des Diables Rouges? Oh, peut-être. D'accord. Sinon, de quelle équipe? La France. Ah, d'accord. C'est qui ton joueur préféré? Je suis n'importe. Et tu fais toi-même du foot? Non. Tu fais du sport? Pas du tout. Pas du tout. Combien de secondes? 20 secondes. Oh, et c'est le meilleur. Hein. Il a fait 26 secondes. Ah oui, il y a eu 26 pas là. Benoît, c'est perdu. Bonne soirée, mon pote. Oui, merci à vous aussi. A bientôt, tu reviens quand tu veux, tenter ta chance aussi pas bien. Merci beaucoup, Serge Fante de pute. Avec plaisir, mon grand chouk. Vous restez dans le coin. Je reste toujours pas très loin de toi, tu sais bien, comme j'aime bien. Allez, à tout à l'heure, Serge. À tout à l'heure. Minuit 15 sur Fun Radio. Alex D, notre voyant qui arrive dans quelques instants. Ouais. Qui va répondre à toutes les questions que vous posez, questions sentimentales sur votre couple, vous savoir si votre meuf vous trompe, vous voulez savoir si si ça va durer avec votre mec. Vous voulez savoir si vous allez réussir à pécho la personne que vous voulez pécho. Vous voulez savoir, je sais pas, si vous allez réussir à avoir un travail. Bah peut-être, ouais. Vous nous appelez, je vais attendre le numéro. Le 02 851 4x0. Oui, vos SMS également, vous les balancez au 3044, y'a pas de soucis. Hein, si vous êtes un petit peu timide, vous n'osez pas passer à la radio, bah je les lis. Balancez vos messages au 3044 ou encore mieux, gratuitement sur les réseaux sociaux de l'émission. Le Facebook, allez faire un tour sur la page officielle, c'est Mike Open Space. Il y a aussi Twitter qui est open, c'est Mike Fun Radio, je vous follow back en retour. Et le Snapchat, toutes les coulisses et photos vidéo de l'émission, c'est sur Mike Open Space. Voici le son de Sigala sur Fun Radio. En nouveauté, ça s'appelle Say You Do à mettre à fond. Faites-en profiter tout le quartier. Libertad, on est là jusqu'à 2h. Minuit 20 sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi les amis. On est là toutes les nuits jusqu'à 2h du matin. 3 heures de libre antenne, 3 heures de liberté d'expression. Et vous toutes qui avez accès justement à la parole. On a à cœur de vous garder encore cet espace de liberté d'expression sur Fun Radio. Oui, hein. Vous pouvez nous appeler au 02 851 4x0. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non mais... Je te dis, on a à cœur de garder cet espace tout ça ouvert, machin. Bah oui. Mais non, mais. Non, mais toi, on va t'envoyer dans Secret Story, toi, la saison. Ah putain, tu seras dans Secret Story. Ah, je crois que tu réaliserais l'inverse. Tu veux qu'on essaye de faire jouer nos contacts? Non, mais arrête. J'ai un pote qui bosse à la production de. Qui bosse à Andmol. Bah attends, tu veux que je te dise un truc? Tout à l'heure, je me suis inscrit pour le casting des anges. Je te jure, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai, bah je suis premier degré là-dessus, tu le sais. Ah, bah écoute, faudra choisir. Non, mais faudra choisir entre les gens et Fun Radio. Je ne te prendrai plus dans l'équipe. Je verrai en fonction du chèque. Je tiens à te le dire. Bah écoute, tu peux signer déjà d'avance. Je peux plus le voir, ce connard. Bon, allez, on va faire la voyance en direct. Allez. Zezel, pourquoi tu m'as pas appelé Alex D? Parce que j'arrive franchement pas à le contacter en fait. J'ai un problème au niveau du standard. Et voilà, Coralie est absente ce soir, c'est la merde. Et je vous rappelle les gars, enfin les amis, vous pouvez choisir le son de Stromae qu'on va écouter. On va se faire un petit classique de Stromae. Je vous ai calé tous les mêmes. Si vous voulez vous écouter tous les mêmes, vous me le dites au 3044. Ou alors, alors on danse. Je vous cache pas que c'est celui qui revient le plus là sur les SMS pour le moment. Ou pourquoi pas Ave Césaria. Bah allez, je vous laisse encore 3 minutes pour vous décider les amis. 3044. Un petit classique de Stromae à se faire. Il y aura du Gradure aussi tout à l'heure avant 1h du matin. Je sais que ça va faire plaisir à Jonathan. Pep and Rush, j'adore le son. Ah j'adore, j'adore. Reprise de Michael Jackson, Love the One You With. Et puis on a Alex ou pas? Nezel. Non, Nezel, il fait comme Amandine à l'époque. Mais je crois qu'il y a un petit problème de son pour l'instant. J'arrive pas à le joindre en fait. Ah bon. Et ça y est, Coralie est pas là, vous me faites de la merde. Tu savais pas Zézel qu'il y avait Alex à appeler à cette heure-ci. Donc toi genre 2 minutes avant d'appeler Alex, tu te décides à l'appeler frère. Ah non si je et le savais. Et tu te rends compte que t'as pas le numéro. Si je le savais, non mais j'avais merci, pas. Merci, tiens. Ouais, le pauvre il patauge. Bah, il fait chier. Non mais si il est trop chou. Bon non mais tu sais quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te laisse. Je viens de te filer le numéro, t'as 10 secondes pour l'appeler. Top chrono. Allez, attention. Si c'est 10 secondes, c'est CK dans ta gueule. 9, attention. 8, 7, 6, 5, 4. Non, tu comptes trop vite, Jonathan. Tu comptes trop vite, Jonathan. 2, vous m'avez mis une pression de ouf. Un quart. Non, mais Jonathan, on n'est pas dans le cipamir là, on peut prendre le temps pour compter quand même. Voilà, c'est bon, je l'ai. Non, mais tu l'as, frérot, mais ça fait 20 secondes qu'on attend là. Voilà, il est là. On casse les couilles celui-là, merci beaucoup. On te fait la haie d'honneur, bravo Zézel. Tard, je vais appeler ta meuf, je vais tout lui raconter, moi. Mais y'a rien à allez, dire. Hein? Allez, hein. Bon, Alex, qui est là, mets-le-moi tout de suite à l'antenne, s'il te plaît, Zézel. Et y'a Ramdan aussi qui a posé une question à Alex. Allô, Ramdan. Salut, toute l'équipe. Ça va bien, mon pote? Ça va bien, et vous? Ouais, tranquillou, Ramdan. C'est Ramdan ton prénom, c'est ça? Ça se prononce comme ça? Ah, c'est Brandon. Ah, Brandon, mais pourquoi il m'a raconté. Et Zézel a écrit Ramdan. Ça me paraissait bizarre aussi. Allô, Alex. Bonsoir, Alex. Bonsoir tout le monde. Notre voyant médium, comme chaque mercredi. On a un peu galéré pour t'avoir. Coralie n'est pas là. Zézel a eu du mal à récupérer ton numéro, Alex. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Je rappelle ta page Facebook, Alex D, coach de vie, pour prendre rendez-vous avec toi, puisque tu consultes sur Bruxelles. Et pour poser vos questions, Alex D, faites comme Brandon, 02-851, 4x0. Brandon, t'as une question à poser. Ça concerne quoi? Ça concerne le travail, on va dire. D'accord, ok. Tu taffes actuellement? Non, en fait, c'est juste que au mois de septembre, j'ai quitté l'école, enfin, on m'a foutu dehors de l'école, et ouais. Je suis sans travail, ni formation, ni sans rien. Et je voudrais savoir si maintenant, sur les années à venir, si je vais savoir trouver un travail ou quelque chose, quoi. Alors, Alex. Ok, et ta date de naissance, Brandon? Le 27 du 9 en 1993. Ok, alors pour moi il y a effectivement, il y a 2 ans qui ressort, donc depuis ces 2 dernières années c'est un peu plus difficile pour trouver une activité. Tu sors de cette période-là, tu vas aller vers une amélioration. Sur le plan professionnel, il y a eu auparavant un lieu sur lequel tu as déjà bossé, qui peut te ressolliciter, ou est-ce que tu as une demande d'un ancien job? En ce moment, non, j'ai rien, vraiment rien du tout qui arrive, donc. Ouais, tu vas avoir une proposition, et cette proposition, pour moi, elle arrive d'ici une période de 3 semaines, et ça peut venir par le biais d'une relation passée, ou en tout le cas d'un lieu pour lequel tu as bossé auparavant. D'accord. Et d'ici 3 semaines, donc, tu as cette possibilité de travail. Alors, ça ressort encore avec une petite fragilité sur la durée et sur le temps du travail. Donc, il se peut que tu sois encore dans un contrat renouvelable, mais tu vas vers une meilleure stabilité. D'ici la fin de l'année, tu vas retrouver un équilibre sur le plan professionnel, Brandon. Non, ça me convient déjà, ça. Bon, voilà, Brandon, c'est une bonne nouvelle plutôt, non? Ouais, franchement, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, parce que franchement, en ce moment, c'est vraiment pas le top, donc. Ouais. Bah, courage, Brandon, la retourne en tout cas, enfin, on l'espère pour toi. Ouais, c'est sûr, en tout cas, big up à vous, je veux dire, ça fait vraiment plaisir de vous avoir à l'antenne et tout, et de vous écouter chaque soir, c'est vraiment ça fait vraiment un bien fou, en tout cas. Eh bah, merci beaucoup, Brandon, ça fait super plaisir, frérot, ça fait chaud au cœur. Je t'embrasse, mon pote, et je te file un pack fun, tu quittes pas, Zézel va prendre tes coordonnées, ok? Ah bah y'a pas de soucis, merci beaucoup en tout cas. Salut plus, Brandon, mec. Merci à toi frérot, tu reviens quand tu veux dans l'émission 02 851 4x0. Venez poser votre question à Alex D, notre voyant qui est là comme chaque mercredi. Alex, tu m'as prévu une voyance des stars. Oui. En théorie. Je sais pas si t'as fait tes devoirs. Oui, j'ai fait les devoirs. Sur, sur Kenji et sur David Guetta, c'est ça. Donc tu vas nous dire ce qui attend ces deux artistes dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et tu n'as pas changé d'avis pour l'euro, hein, puisque la semaine dernière tu nous as dit que donc la Belgique allait se faire sortir avant quart de finale. Avant le quart, ouais. Voilà. Avant le demi-finale. Avant les demi-finales, donc en quart de finale maximum. Pour les Diables. France, Allemagne, Espagne et je sais pas. Angleterre. Et Angleterre. Ce sera les demi-finales. Exactement. Tu restes là-dessus. Je reste là-dessus pour l'instant. D'accord. Très bien. Ok, je note pour mon loto foot. Et demain, gros loto foot spécial Euro 2016. Mais je crois qu'il a pas tort parce que vraiment la Belgique est dans un sale groupe de merde. Suède, Italie, Irlande. Mais l'Allemagne est pas bien non plus. L'Allemagne a perdu hier. Attention, ils sont pas bien du tout. Je crois contre la Slovaquie ou Slovénie. Va juste puis un pays de l'Est. Et ils sont dans le même groupe, ouais, c'est vrai. Donc à voir. Attention, à voir, ça va être compliqué. En tout cas, j'ai hâte que ça commence. Tu vas regarder l'Euro, Alex, ou pas? Oui, oui, bien sûr, je vais le suivre. Alors, tu supportes qui, la France en tant que Français ou la Belgique? J'ai un point faible pour la Belgique, donc pour l'instant, je reste un petit peu à supporter la Belgique et puis bien sûr la France, mon pays natal. On dira un artiste en promo, tu sais, un artiste c'est ça, en promo. C'est ça. Les artistes, quand vous les recevez en promo, genre j'ai fait plein de villes différentes et à chaque fois ils sont là. Oui, alors j'adore Limoges, c'est une super ville. Non, mais Dunkerque, c'est vrai que Dunkerque, on s'amuse. On a plein de joie dans Dunkerque. Alex, bouge pas dans quelques instants, la suite de la voyance. Et puis donc, je vous avais proposé de choisir le Stromae qu'on allait s'écouter. Il y avait Ave Césaria. Il y avait tous les mêmes, ou il y avait... Alors on danse. Alors on danse, c'est celui bien. Qui a été le plus plébiscité sur l'SMS au 3044. Ah, c'est bon. Et on se l'écoute, Stromae, Open Space sur Fun Radio. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, alors on danse. C'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Chaque soirée, ici, vent de liberté qui plane sur toute la Belgique. En big up Charleroi qui nous écoute là, 103.5 c'est la fréquence. Ah oui, vous nous écoutez de 98.8. Big up à Marche en semaine, 107. Et partout à BX, 104.7 c'est la fréquence. C'est l'Open Space avec vous. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Yes, ça y est, la fréquence à Marche en semaine, c'est évidemment 101.2 et non pas 101.7. Il y aura dans quelques instants Pebble Rush qui arrive. On va s'écouter ce son-là qui arrive, Love the One You With. Ah, oh, j'adore. Petite reprise de Michael Jackson là. Granure de Calais, Alex D qui est avec nous puisque c'est la session voyance. Mercredi c'est la voyance à la radio, la voyance en direct dans l'open space. Ouais. Alex D, je rappelle, ta page Facebook, c'est Alex D coach de vie pour aller un peu checker tes activités, pour voir comment on peut prendre rendez-vous avec toi pour éventuellement te contacter en message privé. Alex D, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Facebook. Et il y a également Maître Kevin aka le Hadj, votre concurrent direct qui vient de nous rejoindre. Bonsoir le Hadj. Bonsoir. Ça va le Hadj? Salut. J'ai l'impression que vous avez grossi de la voix le Hadj. Il a pris des couilles? Non, c'est tout simplement j'ai bien mangé, c'est-à-dire que d'habitude je ne mange pas à ma faim. Ah oui. Et là ce soir vraiment la vieille a vraiment fait des bonnes choses. La vieille. Oh, putain, sans rigoler, sans déconner. C'est un peu de respect pour les votre vieilles. Femme. Monsieur c'est qui là, monsieur le Hadj. Bon, le Hadj, vous êtes le concurrent direct évidemment d'Alex D. Vous êtes ça, dans le directement. Coin. Vous n'hésitez pas à réagir. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec Alex ou si vous voulez donner votre prédiction à vous, ok ? Bien sûr. Alex, toujours là ? Et le faire. J'ai l'impression que Alex, vous pouvez pas vous piffrer quand même entre le Hadj et Alex. Hein, Alex est ironiquement content à chaque fois, tu vois. Donc le Hadj. Nous allons dire vraiment que ce n'est pas la moufou. Nous sommes pas Jonathan et Jennifer. Bon, les amis, il y a Sabrina qui vous a appelé. Bonsoir Sabrina. Hello Sabiche. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Je sais pas. Ça va Sabrina? 18 ans, t'appelles d'où? Ça va, oui. Ouais, super. T'appelles de quel endroit en Belgique? À Bruxelles. À Bruxelles, d'accord, très bien. Et t'as fait quoi de ta journée Sabrina? Rien de spécial, et vous? Oh bah, rien de spécial non plus. Bah non. Bon, franchement, j'ai caressé ma chatte comme d'hab quoi. C'est vrai, elle est sympa ta chatte. Hein. Ah, elle est grave bien ma chatte. Hein. J'attends qu'il y ait une bonne chatte, ouais. Ouais. Alors, Sabrina, t'as une question à poser à Alex D. au Hadj, une question qui concerne ton avenir sentimental. Oui. Alors vas-y, Alex, en fait, t'écoute. J'aimerais savoir si j'ai un avenir avec mon copain, oui ou non. Alors, ta date de naissance, Sabrina? La mienne? Oui. 6 septembre. Mmh. 1997. D'accord, et celle de ton copain? 23 novembre. Mmh. 1993. D'accord. Est-ce que lui, on dirait qu'il est dans une période un petit peu de réflexion, de recul en ce moment. Mais oui. C'est juste passager, c'est pas de manière définitive. Donc pour toi tu peux avoir quelques doutes et quelques remises en question. Il est fort possible aussi que tu n'acceptes pas certaines conditions de vie ou au niveau de votre rythme de vie il y a des petites complications qui sont là et qui s'opposent un petit peu à tes valeurs et à ta manière de fonctionner. Ça va se réajuster, vous avez besoin ensemble de mieux communiquer, mais en revanche, votre relation est amenée à pouvoir se poursuivre et à continuer. Courant de cet été, vous aurez une prise de décision. Alors, l'hébergement et le logement s'annoncent pour vous. Est-ce que vous êtes en recherche de logement? Non. Non. Alors, courant de cet été, il y aura quelque chose qui pourra se décider en rapport avec l'habitation. Vous vivez de manière séparée? Oui. Mais il se peut que vous soyez amené à plus vous rapprocher et à plus être ensemble l'un de l'autre. Il y aura un rapprochement plus positif en tous les cas. Ça va alors, merci. Bon bah voilà, garde espoir Sabrina. Ah, Sabrina qui a raccroché, on l'a perdu, je crois que le standard bug. Zézel, qu'est-ce qui s'est passé avec le standard? Parle au micro, bordel. Ouais, j'allais arriver. En fait, le problème, c'est que chaque fois que j'appelle un nouvel auditeur qui nous a joint, en fait, le problème, c'est que ça raccroche l'auditeur précédent. Ah, c'est parce qu'en fait. C'est emmerdant. Oui, c'est très emmerdant. C'est super emmerdant. D'accord, donc, très bien. Voilà, je te la rappelle tout de suite. Non, bah c'est bon. De toute façon, je pense qu'Alex D avait fait le tour avec Sabrina. On lui fait des gros bisous. Rappelle-la quand même pour lui offrir un petit pack fun. C'est ce que je m'apprête à faire. Et éventuellement, le Hadj, vous avez un commentaire à faire sur la personne de Sabrina, non, la personne susnommée. C'est vraiment. C'est-à-dire que, à quelques mois près, vraiment, c'est de la pédophilie. Hein. C'est-à-dire que la femme vraiment est née en 97. Ce n'est pas bien. L'homme a déjà 23 ans, bientôt 24. Arrête ça, dis donc. Ça va, frérot, ça va. 17 ans, 24 ans, ça passe encore. Ça passe. Non, ça ne passe pas. Ça passe. De toute façon, ça n'a rien qui peut choquer la morale. Là où le doute s'installe, c'est quand ce geste se passe sous la table. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne. 02-851-4x0. Venez poser votre question à Alex D. Alex D, coach de vie, c'est la page Facebook. Je vous invite à aller faire un tour pour prendre rendez-vous avec Alex. Alex, on fait la voyance d'Esther dans quelques instants. Oui. Ok, exactement. Très bien. Alors, discret ce soir. Comme je l'ai. Ouais, Alex, je sais pas, t'as pas l'air bien ce soir. Moi, je le vois. Non, c'est peut-être parce que c'est l'heure qui me rend un peu comme ça, mais je suis très bien. C'est Mamie Simone qui te manque. Ah, Mamie Simone, bien sûr qu'elle me manque. Ah, bah, t'es bien le seul. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour le voyant. Ah, vous avez une question. En tant que voyant, vous ne pouvez pas faire votre propre avenir. Non, c'est-à-dire que c'est une question un peu pour dézinguer la concurrence. Alors, allez-y. Est-ce que tu avais vu venir vraiment le drame dans l'équipe? Moi, je l'ai vu même. Vous l'avez dit. C'est moi qui ai appelé Mike. Je lui ai dit vraiment, l'homme chauve là, ça ne va pas. Con, celui-là. Bon. Donc Alex, voilà, Alex, 1-0. Alex, tu veux lui répondre, tu veux l'attaquer. Mais oui, en fait, il dit un drame, mais ce n'est pas un drame, c'est une continuité des choses. Non, c'est une amélioration des choses. Non, voir les choses différemment. Non, c'est ni une continuité, ni une amélioration. C'est une bénédiction. Ah oui, je vois quand merci même. Vous lui mettez une bonne dose. Là. Non, on plaisante. Attends, excuse-moi. Non, on lui met pas de bonne dose. Ah non, tu te calmes. Non, arrête. Arrête on arrête. Ça va. Merci. Bon, allez, 02. Merci, maître Kevin. Hein, c'est sympa. 02-851-4x0. Il y a Cassandra qui veut passer dans quelques instants. Allô, Cassandra. Hello, Cass. Oui. Ça va, ma chérie? Bienvenue ma princesse dans l'Open Space. Cassandra, 23 ans, t'appelles d'où? Je suis de Charleroi. Ah, Charleroi, 103.5 la fréquence évidemment pour nous écouter, je la répète tout le temps en plus. Bouge pas Cassandra, oula, t'as un problème de téléphone Cassandra. Est-ce que t'as un fixe à donner éventuellement qu'on puisse te rappeler sur un téléphone fixe, ça sera mieux. D'accord, ça part en couille. Bouge pas Cassandra. Tu vas poser ta question à Alex D juste après Gradure et Pep & Rush dans l'Open Space.

l'automne dernier, vous êtes en recherche? Oui. Écoutez, pour moi, continuez les recherches parce que je sens que là, cet été et juillet s'annonce plutôt favorable à une possibilité à ce que vous puissiez avoir un nouveau un logement. Et tu cherches quoi comme logement, Cassandra? Un appartement ou un studio. D'accord, ok. Dans quel endroit, à Bruxelles? Pas spécialement, mais pas trop loin non plus, mais voilà quoi. D'accord, ok. Mais c'est quoi le budget? On sait jamais hein, s'il y a un proprio qui nous écoute. Je crois que Jonathan... Attends, il y a Jonathan qui lâche son studio là. Ouais, ouais. En plus, ici, il y a Hucle, donc c'est pas trop loin. Ça t'intéresse ou pas, Hucle? Oui, ça dépend combien. Alors, il le fait à 495, mais pour toi, ce sera 695. Non, je vous les en. 495, c'est ça, Jonathan? C'est ça, 495, et il y a un petit peu de charge, c'est 50, bon. 60 euros de charge. Et si ça t'intéresse, on te reprend en antenne, ok? Il va tout te dire, Jonathan. Ouais, ça va. Ok, Cassandra? Oui, ça va, merci. Gros bisous, Cassandra, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Le Hatch, vous aviez un truc à dire à Cassandra? Non, je disais que vraiment, Cassandra, je vois des gens. Je vois un immeuble où il y a des gens comme Faudel. C'est-à-dire tous les gens qui ont loupé leur vie. On appelle ça une maison de quartier. Oui, voilà, une MJC en France. En ouais. France, on dit MJC, voilà. Ou le CPA, donc, donc je la vois vraiment dans ce genre d'établissement. Non. Arrêtez, pas terminé avec Podel quand même, Cassandra mérite mieux. Bon, Cassandra, n'écoute pas le Hadj, écoute plutôt Alex D, ok? Ouais, qui est beaucoup plus compliqué. Bonne soirée, Cassandra, à bientôt dans l'émission. Ouais. Tu reviens quand tu veux. Au revoir, Cassie. 02851 4x0 pour faire comme Cassandra pour poser votre question à Alex D qui est avec nous. Dans quelques instants, il y a Florence qui veut passer. Auparavant, Alex, voyance des stars. Tu veux commencer par qui? Par Kenji ou par David Guetta? Alex, attends, excuse-moi, vas-y Alex, reparle, on t'entendait pas. On va commencer par Kenji. Ah, très bien. D'accord. Attends, excusez-moi parce qu'il a dit Kenji. Ah non, mais... Bah il a dit Kenji, et Alex, tu n'es pas sans savoir que dès qu'on prononce le prénom Kenji dans cette émission, je suis obligé de me rassasier, de satisfaire mes pulsions, et de vous passer un peu de Kenji qui fait votre... Je suis désolé l'équipe. Oh non... Et laisse-moi t'enlacer, vous en voulez une autre? Elle est une autre. Aussi belle que jamais. Ah. Vous êtes peut-être en déprime. Un peu de Kenji, ça vous redonne tout de suite le sourire. Alors, quel sera l'avenir de Kenji, Alex D? Va-t-il gagner un Golden Globe? Bah, Golden Globe, je l'espère. N'importe quoi. C'est Kenji, ne le sous-estime pas. Mais je le sous-estime pas. Un Oscar pour Kenji avant la fin de sa carrière, j'en suis sûr. Alex D va nous le confirmer. Mais il fait de la chance. Mais oui. Il va gagner parce qu'il est en pleine ascension, lui étant du 3 juillet 96, et là il est encore sur de belles années devant lui. Oh putain, 3 juillet 96. Attends, ça veut dire que le mec a 2 ans de moins que moi, et il paraît 10 ans de plus que moi. Ah ouais, il paraît supérieur. Et c'est ouais grave. Mais l'homme a 6 ans de moins que moi, il a plus de barbe. Putain, ah, mais alors. C'est ça. C'est... Il a 20 piges quoi, Kenji. Ok. Ouais, Alex. Il a 20 piges, ouais. Alex, excuse-nous, on était surpris. Non, donc il est en pleine évolution et même le cinéma peut lui faire des propositions. C'est-à-dire que il peut avoir aussi un talent qui se découvre au travers du cinéma. Bon, sa carrière s'annonce plus dans le côté artistique musical. Donc d'ici cette fin d'année, il va avoir déjà une récompense par rapport à son deuxième album. Il a aussi, au niveau de sa vie personnelle et affective, on dirait que ça va être mis d'actualité, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui va s'officialiser sur le plan sentimental. Est-ce que j'ai mes chances avec mon Kenji Nune? Mais non. On n'en répond pas, t'es pas obligé, Alex. Ouais, là, il y a une petite hésitation, mais bon. Je m'en contenterai, Alex. Mais Alex n'a pas totalement tort, parce que, à ce qui paraît, il a le premier rôle dans Ma vie dans une caravane. C'est un biopic sur Raphaël et sur lui. Donc on verra. À voir. À skip. Et je le vois beaucoup se représenter avec des grandes personnalités ou des grands artistes. En tous les cas, même sur un plan international, c'est un artiste qui est en train de se faire découvrir et d'avancer. Le succès pour lui est mérité en tous les cas. Donc du cinéma, une exposition encore plus importante sur la scène internationale. Oui. Je suis content pour mon chouchou. Je suis content. On va avoir encore plus de Kenji dans les années à venir. Génial. Donc une raison de plus encore d'être là en septembre. Inch'Allah. Alex, David Guetta, c'est le deuxième que tu sur lequel tu t'es penché. Alors, David Guetta, lui, il est dans l'idée de, ou il se peut qu'il soit dans l'idée de construire un projet avec plusieurs artistes, mais aussi avec des talents différents, pas uniquement en tant que DJ. Il a aussi un développement au niveau de sa carrière qui peut très bien se faire du côté soit du Moyen-Orient ou l'Asie proche du Moyen-Orient. Mais il reste quand même le DJ célèbre et le plus connu du monde. D'accord, donc... Il va chanter Sexy Beach en Arabie Saoudite. Imagine ou pas le dire, ce serait exceptionnel. Alors, il a lui par contre des choses qui ressortent avec la justice. Et il devra régler ou il devra faire attention en tous les cas sur le plan justice en ce qui le concerne. Mais il a des problèmes judiciaires rapport à sa musique, il aurait plagié quelque chose? Parce que là par exemple sur l'hymne de l'Euro, il est accusé d'avoir plagié Major Lazer, c'est ça? C'est ça, ouais. Le l'hymne de Major Lazer. Diplo en fait, le producteur du son Lean On, il a fait une sorte de... Sur Twitter ils ont attaqué en fait David Guetta en disant qu'il avait plagié. C'est bien, t'as mis 20 secondes pour ce que j'ai dit. Ouais, je cherchais un mot dans ma tête. Est-ce que c'est par rapport à ça Alex ou est-ce que c'est par rapport à des problèmes plus privés? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi d'autres problèmes assez similaires ou en tous les cas mais purement administratifs et professionnels. Très bien. D'accord. Bah, l'avenir te donnera raison Alex, merci. Alors je sais pas si Olaj a une prédiction à faire sur Kenji ou sur David Guetta. Non, vraiment, Kenji, j'espère que la roulotte de sa caravane va s'arracher de sa voiture. On en a marre. Mais attends, ta gueule. Mais non, mais c'est vrai. Vraiment, non, mais parmi l'overdose Kenji. L'overdose de Kenji. Non, non. Autant David Guetta, j'aime bien. C'est-à-dire que l'homme, quand il fait ses mix-là, moi, je danse. Mm-hmm. Vraiment, j'aime danser. Mais Kenji, Non, mais vous êtes malade. Ne parlez pas mal du génie qui a fait Ritano, s'il vous plaît, le Hadj. On va pas s'entendre, excusez-moi. Il a volé ça en Camerounais. Hein. Ah oui, qui? Mm-hmm. Un chanteur qui s'appelle Kenji. faites-moi le titre. En Acapulco. Fait... Bamako. Il a fait ça, le gars. Le gars a chanté comme ça. Oh, la tristesse. Ah, oh, putain de merde. Merci, le Hadj. Voici Avicii, Conrad. Ouais, c'est fun. It feels good in my heart, in my soul, when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. Watch the waves, have a coke, and just sit here beside me. I take a little of my heart again, so we can feel forever, yeah, feel together, be real together, and no one can stop me. Make it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. It feels good as we stand on the shore and to jump in, I grab another coke and let's dive in. Sunset, we see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make us sing forever and be real together. No. Nothing could ever bring. Bonne nuit la Belgique, merci d'avoir choisi Fun Radio. Dans vos oreilles jusqu'à 2h, c'est l'Open Space. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bons. Et vous tous et vous toutes en direct, faites-moi exploser le standard au 02 851 4x0. Il est minuit 56 dans quelques instants. Oui. Il y a le son de Chris Cab. Avec Yous. Ah, ça sent l'été, ça, c'est bon. Badabing. On écoutait ce son-là tout à l'heure, j'étais dans ma petite Honda Civic. Et là, je fais à Jonathan, je lui fais, écoute, on se croirait pas en été sur ce son-là. Sans déconner, avec le temps qu'il a fait en plus aujourd'hui à BX et dans toute la Belgique. Ah, il a fait beau. Il a pas fait bon début de journée, mais après, ça a été magnifique. À partir de midi, on a eu 13h. Merci, t'es en stage avec Catherine Laborne, toi, depuis quand? Jonathan qui est spécialiste météo maintenant de l'émission. Je fais tout. Bah, tu me remets en même temps, t'as eu ma tête. Ah oui, Sébastien Follin. Merci beaucoup. Allez, Alex D est avec nous, notre voyant médium. Et pour aller voir ta page Facebook, pour prendre rendez-vous avec toi, Alex, pour checker un petit peu toutes tes activités, eh bien, je vous invite à aller faire un tour sur Facebook. Vous tapez Alex D, coach de vie. Et de toute façon, les liens, on vous les met sur le Facebook Mike Open Space. Alex, il y a ton concurrent qui est là, le Hadj. Et il y a Florence qui est là pour tous les deux. Salut Florence. Florence ? Oui. Salut Florence. Florence. Ça va ? Ça va, ça va. Bienvenue dans l'Open Space. Florence. Je crois que c'est en fait le standard de fun qui est pourri parce que sur ouais, je crois que ça, ça souffle de ouf. Ouais, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel sur les. Ok, merci Zézel. Bon, Florence, question à poser à Alex. Question qui concernait quoi ? Oui, voilà. Moi, j'aimerais savoir si j'aurai enfin mon diplôme. Tu fais des études de quoi ? Auxiliaire de l'enfance. D'accord. Eh bien, je te laisse. Alors, Florence, ta date de naissance ? Le 5 juillet 87. Alors, tu es resté sur un... Auparavant, tu es resté sur, pas un échec, mais une déception. Tu as passé les premiers examens où tu as eu le sentiment que ça n'a pas été bon pour toi ? Oui. Il y a encore 2 ans qui apparaissent. Est-ce que après cet examen, tu dois poursuivre 2 ans? Non. Parce que tu as encore 2 ans, hein, qui a... Alors pour moi, ça ne veut pas dire pour autant que tu rates ton examen. C'est tout simplement s'il y a une continuité. Donc soit par l'entreprise, mais tu vas, il y a quelque chose qui va beaucoup plus se valider, se confirmer dans une période de 2 ans. Mais oui, l'examen apparaît chez toi. Hein. Ok. Mais il y a une expérience de ton passé qui ressort. Est-ce que tu as déjà tenté de passer l'examen ? Oui, oui, j'ai déjà essayé, mais bon. Ah merde. Et t'as foiré ? Oui, j'ai quand même 4 examens de passage. Ah oui. Ok, mais ne reste pas sur cette expérience passée. Tu verras que tu auras ton examen en main et ça va te permettre en tous les cas d'aller dans une belle évolution de carrière dans ce métier-là. Lâche pas l'affaire. Ok, Florence. Ok, nickel, merci. Bon, gros bisous, Florence. Gros bisous. Tu reviens quand tu veux dans l'Open Space. Lâche pas l'affaire, la preuve en est avec Jonathan, ça fait déjà 6 fois qu'il passe son permis théorique, le gars. Arrête. Il a loupé 6 fois. Donc, tu peux faire un coucou à quelqu'un ? Bah, bien sûr, Florence. Ben, je fais un gros coucou à Jérôme. Donc, un gros bisou et voilà. Et bah, le bisou est passé, Florence. Je t'embrasse, ma chérie. Ok, également. À bientôt, tu reviens quand tu veux dans l'émission, Florence. 02 851 4x0, excusez-moi le Hadj, je vous ai encore oublié. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur l'avenir de Florence ? Non, Florence va réussir. Elle a un nom de réussite. C'est-à-dire que quand j'entends Florence, c'est vraiment gagnant. Merci, ça valait le coup de vous faire intervenir. Avant d'écouter Bob Sinclair, avant d'écouter Chris Kavisoufa, Jonathan, il y a quelques questions sur le Facebook. Là, ouais, il y en a pas mal. Ça réagit pas mal. Là. Le Facebook, c'est Mike Open Space pour poser votre question à Alex D. Si vous êtes un peu timide, en plus, c'est gratos. C'est ça, il y en a pas mal. Alors, il y a Fabien qui nous demande. Donc, en fait, il part à l'étranger et il va pour un plan de carrière. Il part aux États-Unis et en fait, il hésite de savoir si ça va bien se passer là-bas ou pas. Donc, il hésite encore à partir. Il part dans 3 mois. Et sa date de naissance, c'est le 18 juillet 1990. Ok. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'hésitations. Les hésitations ressortent par rapport à lui-même, non pas par rapport à l'endroit ou au lieu dans lequel il sera. Je le sens partir, mais je ne le sens pas aller jusqu'au bout des choses. Il n'est pas prêt où il y a... il y a en tous les cas, c'est pas le temps donné pour son départ de cette fin d'année là. D'accord. Il y a trop de trucs qui le retraînent peut-être. Peut-être. Bah, merci pour lui en tout cas. Et j'ai une deuxième question aussi. C'est Aurélie Darlon. En fait, elle est enceinte. Elle a que 16 ans. Non, elle a un peu plus. Elle est enceinte de jumeaux et en fait, elle aimerait savoir si ce seront des filles ou des garçons, ou même peut-être une fille, un garçon, pour les prénoms, etc. Elle est en pleine hésitation, elle aussi. Elle est née le 28 mai 1992. C'est vachement technique comme question. Oui, exactement. Mais pour moi, il y a quand même l'aspect féminin qui ressort. Donc, je dirais que ça serait plus à tendance d'une fille. Des filles, mais on dirait qu'il peut avoir des faux jumeaux, c'est-à-dire une fille et un garçon dedans. D'accord. Mais je ressens quand même plus le côté féminin. L'aspect féminin. Ok. 02-851-4x0 pour poser votre question. Vous aussi, Alex D, encore avec nous pendant quelques minutes. Alex et Loaz, il y a Chris qui est là, c'est le prochain. Salut mon Chris. Yo Chris. Yo tout le monde. Ouais, moi c'est Mike, mais tu peux m'appeler Chris ou Robert, c'est comme tu veux. Chris, 24 ans, frérot, t'as une question à poser à Alex, ça concerne quoi? Oui, c'est ça. En un mot, ça concerne quoi? En un mot, l'éjaculation. Ok, ah, d'accord, je suis au bout du rouleau. Il fallait pas. Bouge pas. You know that girl really turned me on. Et vous tous et vous toutes aussi, dans la place, jusqu'à 2h du matin, l'Open Space dans la radio. Jusqu'à 2h sur Fun Radio, merci d'être là. Une galère, appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bons. Bah ouais, Laurent Carr, pour passer une partie de vos nuits avec nous sur Fun Radio, on est ravis d'être là les amis. Un seul leitmotiv, ici faire vivre ensemble la liberté d'expression, vous nous appelez au 02851 4x0. L'SMS balance au 3044. Bob Sinclair, c'est ce qui arrive pour la suite du son. On va s'écouter Someone Who Needs Me. Someone Who Needs Me. Qui est presque. Someone Who Needs Me. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, t'as vu? Là tu t'améliores, mais franchement on tu t'améliores de plus en plus. Eh, hey, je suis bilingue. Brian is in the kitchen. Ouais. Where is Alex? Is in the téléphone. Voilà. On phone. Hashtag tristesse. Alex est notre voyant avec nous, évidemment, la voyance en direct qui va s'achever dans quelques minutes. Vous pouvez vous inscrire déjà pour passer la semaine prochaine au 02 851 4x0. Putain, et j'ai calculé, il reste 12 émissions avant la fin de la saison. Attends, 12 émissions là avant la fin? Ouais, je sais, c'est long. Il faudrait faire un décompte. Et à partir de 10, chaque jour on fait un truc de dingue. Bah d'accord, mais ça fait un peu 8 mois qu'on fait des trucs, enfin qu'on essaye de faire des trucs dedans. Non mais un truc, pas forcément, mais truc au-dessus du level que tout le monde pourrait imaginer. D'accord. Tu okay. me laisses le week-end pour en briefer avec ma personne. Ouais, non je sais, sinon à partir de 10 jours, chaque jour je vire quelqu'un. Mais non mais ça peut le faire. On n'est pas 10. Ouais mais je peux rembaucher entre temps quoi, tu vois, on peut réfléchir à un truc comme ça. Une tournante. Allez, une partout. Chaque jour une personne de plus dans ton huc, Jonathan. Non, on va trop loin, ça part en couille, c'est connerie. Non mais je me demande à quel moment, quel tournant on a mal pris pour partir comme ça, Jonathan. Ouais, je sais pas. Bon, allez, avant d'écouter Bob Sinclair, Alex D, la page Facebook, c'est Alex D Coach de vie. Je suis pas sûr qu'après ce genre de propos ça vende super bien ton truc, mais bon, Alex D Coach de vie. Le Hadj qui est là aussi. Je suis là même. Le Hadj, enfin plutôt Maître Kevin, on va jouer avec qui dans quelques instants, Kevin? Richard Bridebois. Et attention, aujourd'hui va falloir retrouver des comédies musicales. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. J'adore. Il m'a mis du classique. Et bien évidemment. Ah, parfait, Maître Kevin. Dans quelques instants, vous allez pouvoir repartir avec du cadeau. Et Alex, il y a Chris qui est là pour toi. Salut Chris. Attends, le standard il souffle de fou. Ah, ouais, grave. Yo. Ouais, ça va Chris? Remec. Ça va, tranquille. Ouais, 24 ans, donc tu m'as donné un indice sur l'objet de ton appel. Je t'ai demandé de me résumer cet objet en un mot. Tu m'as dit éjaculation. J'attends d'en savoir plus. En tout cas, tu as attiré l'attention de Jonathan. Putain. N'importe quoi. Alors vas-y, t'en prie. Ça fait 2-3 mois, quand j'ai des rapports sexuels, ben, quand j'arrive à la fin, j'ai pas d'éjaculation. Et je suis parti voir les médecins et tout ça, mais ils m'ont dit qu'ils trouvent rien, quoi. T'as cru qu'il était médecin? Oui, je sais pas. C'est chelou. Allez, comment tu veux qu'Alex réponde à cette question? Enfin, je sais pas si Alex... Je sais pas. Peut-être qu'il pourrait me répondre. Peut-être que c'est dû à autre chose ou quoi. Mais en tout cas, c'est pas du tout... c'est pas le médecin, il sait rien faire, quoi. J'ai fait des tests et tout, mais ils savent pas c'est quoi. Bon, en tous les cas, je vais pas répondre à la question parce que là, je suis en train de regarder dans ma boule de cristal, donc... On peut arriver à peut-être à avoir et à obtenir des réponses. Pour moi, Chris, je ressens que déjà il y a un stress qui est là, avec un changement au niveau de ton environnement extérieur, et c'est ce qui provoque un petit peu ce blocage en toi. Ceci étant, c'est passager, ça ne va pas durer, et je sens pas que c'est biologique, c'est juste passager, et il n'y a rien d'inquiétant sur la situation. Tu as changé d'endroit, de lieu, tous ces derniers temps? J'ai changé de travail récemment, il y a 2 mois. Oui. Je travaillais la journée, maintenant je travaille la nuit. D'accord. Donc ça peut être ça qui provoque ce blocage-là. Et puis ensuite, avec ta partenaire, d'essayer de peut-être d'avoir une autre approche sur votre intimité pour améliorer et aller jusqu'au bout de cette éjaculation. Ok. Ouais, c'était ses conneries. Mais voilà, il faut communiquer et c'est vraiment c'est passager. C'est une question de, je pense, de jours ou voire de quelques petites semaines, mais ça va pas durer dans le temps. Ouais, c'est psychologique après ce truc-là, Chris. Hein. J'espère. T'as bloqué une fois, Chris? Je sais pas, ça t'est arrivé peut-être une fois, t'as bloqué, non? Et depuis... Non, ça fait depuis 2 mois en fait. D'accord. Bah, à mon avis, le jour où ça va sortir, ouvre les fenêtres. Bonne soirée, Chris. Le Hadj, je sais pas, attends, il y a peut-être le Hadj qui a un commentaire pour toi. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment de la frustration. C'est-à-dire que c'est un peu comme Gérard Depardieu quand la bouteille de vin se finit. Rien ne sort. Donc, je lui conseille un petit truc, c'est boire du lait. Un petit truc, c'est boire du lait, très bien. Merci pour le conseil. Voilà. Salut Chris, à bientôt frérot. Merci les gars, à bientôt. Yes, allez, ouais. Quand tu veux dans l'émission. Alex D, c'est ainsi que s'achève cette voyance de ce mercredi soir. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain Alex. Oui. Merci beaucoup prochain. En tout cas. Et puis, merci Alex. Et ben, je rappelle ton site internet alexd.be et surtout la page Facebook sur laquelle il faut se connecter. Vous avez toutes les informations regroupées, tous les numéros de téléphone comme ça. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec Alex pour qu'il aille plus en détail dans les consultations et pour qu'il vous donne vraiment une vision globale et générale de ce qu'il voit pour votre avenir. La page Facebook, c'est donc Alex D, coach de vie. Bonne semaine Alex, à mercredi. Merci à vous aussi. Salut, à la semaine prochaine mec. Le Hadj, salut mon pote aussi. Au revoir. Salut le Hadj. Et du Hadj, je passe à Maître Kevin, que nous accueillons dans ses studios. Bonsoir Maître Kevin. On vous a entendu vaguement tout à l'heure. Magie. Bonsoir les amis. Voilà. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas Samuel Le Camer parce que c'est le même que le Hadj. On va jouer avec Maître Kevin tout à l'heure et Richard Bridebois. C'est ça. Putain, tu l'as bien dit pour une fois. C'est Richard Bridebois, bah, c'est la star qui vient du Québec, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Qui va vous chanter des titres, à vous de reconnaître l'artiste ou le titre. Attention, c'est spécial comédie musicale ce soir. Je sens qu'on va kiffer. S'il peut déjà m'envoyer les sons comme ça, je prépare tout ça, Maître Kevin, c'est parfait. On va faire quoi aussi dans quelques instants? Le clash de la merde auditive qui arrive. Ah, il y a la merde auditive qui arrive, on va tourner la roue des jeux, hein, parce qu'on l'a pas fait pendant la première heure. Et puis il y a un défoule room là, qui arrive incessamment sous peu aussi. Ah, défoule room, je rappelle le concept, quelqu'un vous a fait chier. Vous avez envie eh bien, de l'insulter en direct, de l'afficher devant toute la Belgique, vous nous appelez, le numéro Jonathan. C'est le 02 851 4x0. Yes, I. Dans quelques instants, donc défoule room à venir, Maître Kevin, plein de choses à faire. On fera un moncul peut-être aussi. Ah ouais, pourquoi pas. Voici Bob Sinclair sur Fun Radio. C'est nouveau, ça s'appelle Someone Who Needs Me. À mettre à fond dans toute la Belgique. On est là jusqu'à 2h du matin. Libertad. Radio. Et avec vous fidèle au poste sur Fun Radio, ça fait plaisir d'être là, une heure passée de 15 minutes. Merci de nous avoir choisi, vous débarquez en direct, faites-moi exploser le standard. Le numéro c'est le 02 851 4x0. Les réseaux sociaux de l'émission aussi, on est connectés. Entre autres sur la page Facebook, vous tapez Mike Open Space sur Boubouk. Sur Twitter. Et bien sûr, c'est 1, 2, 3, attention, reprise, Jonathan. Pourquoi tu me chantes du Faudel d'un seul coup là? Mais non mais je sais pas. je m'y attendais pas. C'est comme Jules parfois, paf, ça t'arrive dans la sur gueule. Sur Twitter, le compte Twitter. Le compte Twitter, c'est Mike Fun Radio. Tu refollow back directement après l'émission. Ou bien aussi, il y a ton Snapchat, Mike Open Space. Exactement. Nous allons jouer avec Richard Bridebois dans quelques instants. Et je suis en train de voir les sons que Richard Bridebois nous. Ah ouais, c'est bon ça quand même. Ah, c'est bon. Ah, franchement, je peux vous dire, on va kiffer. Ah ouais, il nous a mis que du bon, okay. Richard. Auparavant, il y a Florian qui est là. On va écouter aussi Will.i.am, Britney Spears dans quelques instants. Là, le screenshot. Salut Flo. Salut. Hello mec. Eh bien, ou quoi, Florian? Ouais, tranquille, ça va. Ouais, tu fais quoi de ta nuit, Florian? Bon, là aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. D'accord. Non, mais ce soir, là, t'as fait quoi de ta soirée? Rien, non plus? Non, je suis posé, là, à la télé, un peu, et à vous écouter en même temps. Bon, c'est cool, Florian, tu m'appelles d'où, t'as quel âge? Parce que avant, j'avais le nom, tout ça, mais maintenant, j'ai plus rien. Alors, j'ai 24 ans, j'appelle de véhicule. Ah, Bruxelles, très bien. Et alors, tu veux faire un défoul room? Je t'écoute, ouais. Ça concerne quoi, ton défoul room? Ça concerne le coiffeur de ma meuf, la pire karaté qui me a sorti un truc dégueulasse, enfin, voilà quoi. Et j'ai bien envie de m'éclater un peu sur sa tête quoi. D'accord. Elle a fait quoi comme coiffure ta meuf? Une espèce de frange longue, enfin limite ça lui arrive, elle arrive en bas de quoi. Et ça te plaît pas? Ah non, c'est affreux. Mais alors ça c'est un dilemme, parce que je sais pas ce que vous faites, votre meuf va chez le coiffeur, elle paye une tonne, parce qu'en plus, nous les mecs, ça coûte 20 balles maximum pour le coiffeur. Ouais, le shampoing, etc. Attention, ça, 20 balles, c'est un coiffeur. Ah, c'est jamais le coiffeur. Déjà, bon haut de gamme. Hein. Mais les filles, vous, n'importe quel coiffeur, vous en ressortez avec 80-100 balles. Ouais, minimum, un truc comme ça. C'est super cher, enfin, vous dépensez une fortune. Et donc, ta meuf va chez le coiffeur, elle se fait une nouvelle coupe. Elle revient, ça te plaît pas. T'as deux solutions, ou tu lui dis, et dans ces cas-là, tu t'en prends une, et c'est. Bah, c'est comme une tentative de suicide, on peut dire ce qu'il y est. Ou tu lui dis pas, et c'est frustrant pour toi. Parce que du coup, elle a une coupe dégueulasse. Qu'est-ce que tu ferais, Jonathan, toi? Est-ce que tu dis, est-ce que tu le dis pas? Bah écoute, ça m'est arrivé récemment. Je crois que je t'en ai parlé d'ailleurs. Ouais. Ma meuf, un jour, elle s'est ramenée chez moi. Je venais de me lever. C'est parce que je travaille à la radio, donc forcément, voilà, je me lève vers midi, on s'en fout. Mais bon, bref. Elle revenait de chez le coiffeur, elle avait mis une casquette, elle avait tout camouflé. Et je lui dis, mais pourquoi tu gardes ta une casquette et pourquoi tu montes pas tes cheveux et tout? Elle fait, mais c'est chaud, tu vas voir, tu vas pas kiffer. Elle enlève sa casquette. Elle était rose. Elle était rose. Mais je veux dire, de la racine jusqu'à la pointe, elle était rose. Depuis, sa meuf joue dans la prochaine saison des Teletubbies. À la place de Tiki Winky. Et c'est vrai qu'elle était dégueulasse. Hein, Ah non, dégueulasse, c'était gentil quand tu dis ça. Elle était à vomir. On va pas se mentir. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis célibataire. Zezel. Ouais. Tu le dis à ta meuf ou pas, si elle a une mauvaise coupe de cheveux? Direct, je la clash. Non, mais putain, mais moi je ne le dis pas, vous êtes malade. Mais si, dis-le. Mais non, mais derrière, c'est prise de tête. Imagine, en plus, je suis avec Coralie. Non, mais enfin, je vais pas le dire trop fort, mais elle est casse-couille. Mais pourquoi? Mais parce que, je vais lui dire ça, mais elle va se vexer tout de suite, et derrière, ça va être des heures et des heures d'engueulade, de prise de tête, ouais. Et à essayer de redresser la situation. Mais alors, j'ai un conseil pour toi. Je préfère éviter ça et me fermer ma gueule, tu vois. Ouais, t'as raison, mais alors, j'ai un conseil pour toi, tu la prends en bareback. C'est quoi? Bah, c'est. On le ferait, quoi. Ah, d'accord. Comme ça, tu vas plus sa gueule, tu vois. D'accord. Non, mais je vais quand même sa coupe de cheveux, malheureusement. Ah, merde, ouais. Et Florian, donc toi, tu lui as dit ou pas? Je lui ai fait comprendre. J'ai fait comprendre. Comment? Je lui dis non, mais on voit plus les yeux, ça se passe comment? Oh putain, elle a réagi comment? Elle m'a dit ouais, non, je sais, il m'a fait de la merde. En fait, ma mère, elle est d'accord en fait que quoi faire. Ah, bah d'accord, si voilà. Elle est pas contente dans ces cas-là. Ouais. Voilà, mais faut la jouer plus subtile. Putain, mais ton coiffeur, t'es bourré ou quoi aujourd'hui? Tu l'as joué plus subtile quoi. Tiens, justement, j'ai lu vite fait un sondage tout à l'heure sur ce que révèle votre coupe de cheveux. De cheveux sur votre personnalité. Ouais. Pour vous, les filles. Donc toi tu m'as dit, c'était quoi une frange longue? Attends, parce que je vais prendre le magazine, je l'ai sous la main. Une frange tu m'as dit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors attends, hop. Que je vais... Une frange, c'est un casque là. Alors attends, voilà, je l'ai. Une frange, c'est que vous êtes timide et que vous mettez une distance entre vous et les autres. Ça cache une forte gentillesse. Ouais, je suis pas d'accord. Est-ce que ça correspond à ta copine? Ah ouais, non, pas d'accord du tout. Ouais, non? Pas timide du tout, alors pas timide du tout. Ouais, non, mais moi je pense que les filles de toute façon qui ont des franges, c'est juste parce qu'elles sont un petit peu dégueulasses et gentiment elles cachent leur tête avec une frange. Ouais, c'est vrai. Non, mais je crois. Jonathan, tu devrais essayer la frange d'ailleurs. Il faut que ça pousse encore un peu. Je te le dis. Est-ce que vous allez souvent chez le coiffeur dans l'équipe? On nous dit 30-44, moi c'est 35 euros pour une coupe. 35 euros, c'est beaucoup quand même. Non, pour une fille, ça va. Ah, pour une fille, ouais, ça va. Moi je paye 20 euros, mais après, voilà, récemment, tu le sais très bien, j'ai fait des mèches. Donc j'ai fait des mèches caramel clair. Oh là là, ouais. Arrête, elles sont bien les mèches, c'est pas mal. Voilà. Caramel clair, t'as un carambar ou quoi? Et non, j'ai payé 40 euros. Ah putain, pour faire des mèches. Ah ouais, 40 euros, c'est cher. Mais sinon, moi, je vais chez le coiffeur, je crois, une fois par mois et demi. D'accord. Ok. Zezel? Bah non, ouais. Tu vas pas souvent chez le coiffeur, ça se verrait. Oh, ah si, bah il y a pas longtemps. J'y vais toutes les semaines. Toutes les semaines, je vais faire. Ouais, toutes les semaines. Toutes les semaines. Mais t'as encore mis le pot de gel sur la teuté des ailes. Ouais, mais ça, je vais chercher 3 fois par semaine, par contre. Non, mais moi, j'y vais régulièrement. Je suis coiffé par un mec qui s'appelle Jean Walter. Jean Walter. Ouais, vous connaissez pas? Non. Il est super connu à BX, coiffeur paysagiste. Coiffeur paysagiste. Bien sûr. Et voilà. Il taille des haies et des vieilles dames. Exactement. C'est Maître Kevin qui me l'a conseillé. C'est un pote à moi aussi qui me l'a conseillé. Bah, vous le connaissez, mon pote. Lequel? Bonhomme CTLM. Ah putain. J'ai eu le contact par lui. Voilà. Il te coupe directement. Bon, je salue Jean Walter qui est avec nous. Enfin, qui nous écoute souvent, en tout cas, je sais. Jean Walter, coiffeur paysagiste. J'adore ce gars. Bon, Florian. Paysagiste. Ouais. Paysagiste. C'est un concept. Florian, on y va pour le défoule room contre le coiffeur de ta meuf qui a fait de la merde. Ça va. Et depuis, bah, t'es obligé de baiser une meuf moche. On est d'accord. Allez, on y va, Florian. 3, 2, 1, fais-moi rêver, je suis au BDR. C'est parti. Bon, espèce de coiffeur en carton, là. Je sais pas ce que t'as foutu, là, avec sa coupe, là, mais je sais pas si t'as fumé ou t'as picolé, ou je sais pas quoi, ou si t'as eu ton diplôme dans une pochette surprise. Mais franchement, tu sais quoi, vas-y, va te planquer, je sais pas, fais quelque chose, mais arrête la coiffure, arrête le carnage. Ok, ouais, mais t'es vite, mais c'est pas mal. Ouais, petit défoule room, mais. Il vaut mieux privilégier la quantité que la qualité. C'est ce que je dis souvent et c'est ce que je vais bientôt appliquer à cette équipe d'ailleurs. Et j'ai envie de dire. Oui, maître Kevin. Dire, c'est pas de sa faute. J'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. Il avait qu'un bras. Hein. Jamel, il a fait ce qu'il pouvait. Hein. Allez, casse-toi. Florian, bonne soirée. Ouais, bonne reçoit, mec. Ciao. Bon, merci d'avoir été avec nous, Florian. Et puis, on t'envoie une coupe chez Olivier Dashkin, ok? Ça va. Pour ta meuf. Salut, frérot. Et quel service? La coiffure passion. Olivier Dashkin. Ah, Olivier Dashkin. Pour des visages qui nous ressemblent. Merci beaucoup. Allez, on va y aller. 1h22 du matin sur Fun Radio. On est au BDR, comme vous pouvez l'entendre. Dans quelques instants, il y a le son d'Imani qui arrive. C'est Don't Be So Shy. On va jouer avec Maître Kevin aussi et Richard Bruitbois. Ah, il aime bien Imani, Don't Be So Shy. Ah, mais tu sais que je l'écoute tous les jours. Ah, mais elle est kiffante, hein, elle est bien. Le son est très très lourd. On fera tourner la roue des jeux aussi, les amis. Et puis, on va faire une nouveauté dans l'émission. C'est le remix du Mercredix. Le remix du Mercredix. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai trouvé parce que si on fait pas le Mercredix, on peut le faire le jeudix. Voilà, ou le lundix ou le mardix. Ou le lundix ou le mardix. C'est la particularité des jours de semaine. Heureusement qu'on fait pas d'émission le dimanche. Voilà. Bah, on aurait trouvé une solution, ouais, t'inquiète pas. Ah ouais, on aurait trouvé une solution. Par contre, on va faire aussi la merde auditive et je crois que le thème va beaucoup plaire à Maître Kevin. Ouais, on le dira tout à l'heure. Le thème. On le dira tout à l'heure. On gère la suite. Le remix du Mercredix, c'est un son que Jonathan a sélectionné. C'est ça. Une petite pépite dance floor. On vous passe tout à l'heure. Exclusivité, hein. Un gros remix. Restez bien là sur Fun Radio, vous tous et vous tout en direct au 02 851 4. Ça sent le Chris Bieber, tout ça. Accroche-toi à moi. Ah non, je te suis pas là. Viens vers les étoiles. Ta gueule. Voici William Britney Spears sur Fun Radio. Merci. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh. Now, rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Ay, yo. Rock it out, rockin' out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house, house. Ay, yo. Turn it up and gon' turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us, they looking at us, they looking at us. us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rocking with Will I Am in Britney, bitch. This night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Forever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. L'Open Space est là. Will I Am et Jonathan Labitch. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Ah, oh, c'était facile, ça pète pas une mine, va. Ouais, c'est vrai. T'enflamme pas, bon. Jonathan est là ce soir, c'est l'Open Space sur Fun Radio. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais dire, ça va, c'est assez rédhibitoire sur mon sujet, mais en même temps, t'es pas trop loin de la vérité, donc ça va, ça passe. D'accord, voilà. Merci. J'ai utilisé un mot trop compliqué pour toi, c'est ça? Non, non, parce que je l'ai utilisé tout à l'heure, donc forcément, il a voulu ressortir le. Non, je sais comment ça se passe, Jonathan. Il me copie, je suis un peu son modèle ici, mais bon, ça me fait plaisir. C'est même pas vrai, parce que quand t'as dit rédhibitoire, j'ai d'abord tapé sur Google ce que ça voulait dire. Je comprenais pas, en fait. Hashtag gros baraki, et il vient même pas de Charleroi, celui-ci. Bon, il y a Zezel aussi qui répond, mon Zezel, le numéro pour t'appeler. 02 851 4x0. Alors normalement il y a la mère d'Otitive qui arrive dans quelques instants. J'espère qu'on va pouvoir la faire. Ah ben j'espère parce que qu'ils font des maintenances en ce moment sur le logiciel. Et ouais. Bon c'est un peu compliqué mais le thème est d'art. Voilà, la mère d'Otitive en préparation sur Fun Radio. Il y aura le son d'Imani aussi à venir dans 3 minutes. Don't be so shy. C'est demandé par Alexandra là tout à l'heure sur le SMS au 3044. Et voilà, quelques minutes les amis pour vous faire le son que vous voulez. Et vous m'en faites la demande au 3044. Voilà, on nous dit salut équipe, est-ce que c'est possible de passer du MHD Ah ouais, MHD, on l'a passé hier. Champions League. Non, mais on l'a passé hier. On l'a pas passé Champions League hier, on a passé l'Afrotrap 5. C'est vrai qu'on a passé la partie 5. Ouais, la partie. Elle est bien aussi la partie 5. Ouais, elle est pas mal. Mais sinon, Champions League, elle est d'art de dingue. Ouais, elle est pas mal, Jonathan. Mais là, tu me mets dans la merde parce que j'arrive pas à retrouver le son en fait. L'Open Space, c'est la Champions League. L'Open Space, c'est la Champions League. Bla bla bla bla. Charleroi, c'est la Champions League. Charleroi, c'est la Champions League. Bla bla bla bla. Verviers, c'est la Champions League. Verviers, c'est la Champions League. L'Open Space, c'est la Champions League. Zezel, c'est la Champions League. Zezel, c'est la Champions League. À Bruxelles, c'est la Champions League. À Bruxelles, c'est la Champions League. Ah voilà. Je dis pas merci à l'équipe pour la vanne sur Facebook. On nous dit, on a fait une vanne sur Facebook. Je suis pas au courant, je sais pas. On est connecté en tout cas sur les réseaux sociaux de l'émission, hein, sur le Facebook. Mike Open Space. Maître Kevin est là et Stéphane aussi. Oui. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça va bien Stéphane. Ça va. Bienvenue dans l'Open Space. 19 ans Bruxelles. Tu fais quoi dans la vie? Toujours aux études à 19 ans. Études de quoi? Menuiserie, je suis en dernière année. D'accord. Genre, il dit ça comme une évidence. Moi, à 19 ans, j'avais déjà fini l'école depuis 4 ans, quoi, tu vois. Donc... D'ailleurs, les amis, je vous rappelle, hein, en ce moment, c'est les révisions, c'est les Bocus. Révisez bien vos examens, parce que si vous révisez pas, vous finirez comme Stéphane, menuisier. Et vous viendrez Arrête, pas vous prendre derrière. Je super plaisante, métier. Stéphane, je déconne. Non, c'est un beau métier, Stéphane. Et puis, c'est bien plus utile. Bah c'est ouais, bah c'est un beau métier, c'est plus utile qu'animateur radio, ça c'est sûr. Bon petit Steph, on va faire tourner la roue des jeux frérot. Okay. Je suis très vexé par ton rire, mais on va faire tourner la roue des jeux. Cadeau Fun Radio qui arrive à la maison, éventuellement si tu gagnes le jeu qui te sera proposé par cette roue, tu dis stop quand tu veux. Ok, stop. Et nous vérifions, ça s'arrête Doucement mais sûrement. Tiens, attends, ça c'est. Je vois pas l'écran puisqu'il est tourné un petit peu. Ça tombe sur quoi là? Attends, ça va s'afficher, regarde. Hop, voilà. Ah, d'accord, ok, c'est le jeu du mon cul. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un mon cul dans l'émission. Stéphane, tu veux jouer contre qui? Contre Jérôme, Zézel, ou Jonathan ou Maître Kevin? Contre Jonathan. Contre Jonathan. Bon, très ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas choisi, Jonathan. Ouais, c'est vrai. Alors, Stéphane, je rappelle le principe du mon cul. On va vous appeler des particuliers. Ouais. Donc, tu vas devoir jouer face à Jonathan et tu vas devoir y arriver plus rapidement que lui, c'est-à-dire à placer et à faire dire qui à la personne que t'as au bout du fil, d'accord? Okay. Pour transformer l'essai, tu dis mon cul juste derrière. Le record, c'est combien de temps, Jonathan? Mais j'avais fait 3 secondes, 3 secondes 30. Ah oh, ouais, mais bon, ça va être chaud à battre. Hein. Ouais, ça va être chaud, je crois. Mais 3 secondes 30, c'est pas mal. Alors, Stéphane, tu veux commencer? Tu laisses Jonathan commencer? Bah, je laisse les petits commencer, allons-y. Oh, les petits. Le petit commencer, c'est pas bien malin parce que. Je pense que. Enfin, c'est mieux de passer en premier parce que t'as pas la pression. La pression du temps, ouais, c'est ça. T'as une minute prendre pour passer un mon cul, généralement, en particulier, non, c'est tranquille. Pression, c'est bon. Fais quoi, Zézel, s'il te plaît? Tu peux mettre le numéro de particulier? Bon, allez, Zézel. Non, mais fais-le-moi sonner à l'antenne, Zézel. Et voilà, il a raccroché. Ah, non, c'est le standard qui bug, en fait. Le standard qui bug. Et ben, on est très bien avec ce standard de merde. Oh, putain. Enfin, sans déconner, hey, je le défonce avant la fin de la saison. Le standard, je te le casse avant la fin de la saison. Ah, non, fais pas ça. Je te jure que si on revient pas la saison prochaine, le standard, je me le fais. D'accord. Ah, sans déconner, toute la saison, il nous casse les couilles, là. Oui. On est des fidèles de l'émission. Oui, Stéphane, excuse-moi, ça a coupé, frérot. Bon, je t'appelle ton numéro, okay, Steph, ok? Mais non, c'est moi qui commence. Ah, c'est Jonathan qui commence, pardon. Alors, John, dès que ça dit allô, c'est à toi. Vous voulez jouer avec nous aussi? Vous inscrivez MIKE, plus vos coordonnées, vous balancez ça au 6322. Ah, j'ai la pression. Tiens, c'est sur mon cul, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de mon cul. Non, ça fait au moins 3 semaines. Ah, non, un peu moins. Oh non. Oui, c'est Adélie, ça va? Allô. Allô, ça va? Ok, je vais. Mon cul! Allez, joli! Easy game! Bonne nuit, madame! Au revoir, bonne soirée! On vous laisse, madame, c'était Guillaume Play! Voilà, si vous voulez porter plainte, guillaume@energie.be. Voilà. Ah, je suis déçu de mon temps! Combien? Bah, 5 secondes 64. Bah, c'est bien, bravo, Jonathan! Ouais, mais bon, ouais, c'est pas mal! Moi, sache-le, je suis fier de toi! Ah, c'est gentil, alors ouais. Ça va, alors je suis content! 5 secondes 64, à battre, Stéphane, est-ce que tu penses y arriver? On va essayer! C'est chaud, voilà, tu vois pourquoi je t'ai dit de commencer en premier? Parce que maintenant, là, t'as la pression et tu dois faire ça en moins de 5 secondes, Stéphane. Bon, bah, je t'appelle. Okay, je t'appelle quelqu'un, dès que ça dit allô, c'est à toi, ok? Ouais. Allez, bouge pas, frérot. Ça sent mauvais. Oh non. Bon, Zézel, remets-moi un numéro s'il te plaît dans le standard. C'est déjà fait. Ah, parfait. Allez, on rappelle quelqu'un d'autre. Ça ne répond pas à cette heure-ci, Stéphane. Vous êtes bien sur la boîte. Ah, bonne soirée. Ça sent pas très bon tout ça, hein. Ah, ils étaient testés. Hein. Ils ont été testés, les numéros? Ils ont été testés. Il y a combien de temps? 2h30? Non, il y a 3 minutes. T'en as d'autres? Ouais, j'en ai d'autres. Attends, je vais. Il va les fabriquer. Putain, il m'a mis que 3 numéros. Et si ça répond pas, on fait comment? Non, je prends mon bâtard. Attends, j'en ai plein. Ah, putain, Zézel! T'es pas ta soirée, hein, Zézel? Ah, c'est dingue, hein. Bah, ça répondait pour toi. Bah, tu sais quoi, Stéphane? Ça répond pas. Nous ne sommes pas dans les conditions techniques optimales pour faire un mon cul, Stéphane. Hey, attends. Je peux vous donner le numéro fixe de mes parents? Peut-être qu'ils vont répondre à ce ci. Tu peux faire un mon cul à tes parents? Mais non, mais peut-être que lui peut faire un mon cul à mes parents. Écoute, faut dire ça hors antenne, quoi. On est quand même en direct, les oui, amis. Bah, bon, bah, donne le numéro tout de suite, alors. Allez. Perds pas de temps. Bon, alors, moi, ce que je vais dire, c'est que si le numéro ne répond pas, Stéphane, étant donné que c'est Zézel qui a mal fait son taf, mon Stéphane, c'est Zézel qui te paiera lui-même le cadeau de ton choix. Ah, bah, ça fait cool. De ton choix. D'accord? Oui, je peux demander ce que je veux. Attention, ça déconne pas. Oui, tu peux demander ce que tu veux. Tu voudrais quoi déjà? Alors voyons voir. Les nouveaux overboards là. Ah, les nouveaux overboards, bah Zézel t'en paiera un avec plaisir. Eh putain, je prends 300 euros quand même, hein, Zézel. J'en ai un à foutre. Vas-y, fais péter, je suis bien payé. Non, 500. Attention, on appelle chez les parents de Jonathan dès que ça dit allô, c'est à toi. Ah putain, j'espère qu'ils dorment pas, putain. J'espère. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. C'est un 9 à la fin, excuse-moi, c'est un 9. C'est un œuf. Mais c'est bien, merci Jonathan. C'est quand même la seule émission du monde où on nous donne les numéros en direct. C'est la magie de l'open space et l'authenticité, que voulez-vous? Ah putain. Dis pas que t'es sur Fun Radio quand même. Hein, parce que Jonathan, ça fait 8 mois qu'il essaye de dire à ses parents qu'en fait il bosse sur Classic 21 quoi. Le numéro de votre correspondant. Bon, ça marche pas, ça marche pas, non, ça marche pas. Allez, Zezel, tu offres un overboard à Stéphane, t'avais qu'à faire ton taf, ok? Ouais, vas-y, c'est pour ma poche, c'est bon. C'est bon, allez Stéphane, c'est gagné. Oh yeah! Attends, c'est cool alors, merci. Hein. Voilà, en plus, si t'avais gagné le mon cul, tu serais reparti avec un pack fun, donc tu vois, c'est encore mieux. Bon. Ah bah ouais, là, de plus. Bonne soirée, mon Zezel. Mon Zezel aussi. Mon Zezel. Ouais, à mon avis, ouais. Et mon Stéphane aussi. Salut frérot. À tous, bonne soirée, merci encore. À bientôt Stéphane dans l'open space. Je sais pas pourquoi, mais je viens de me souvenir pourquoi on avait arrêté les moncus. Eh ben finalement, t'avais pas une si mauvaise idée que ça. Sans déconner. Bon, maître Kevin, on joue avec vous, on joue avec Richard Bridebois. Dans quelques instants, oui, c'est ça, ouais, ça roule comme Maggie de Bloc. Richard Bridebois qui sera là. Et je vous propose qu'on se fasse tout de suite le remix du mercredi. Du Mercredix, et ah évidemment, ouais. Le remix du Mercredix. C'est. Vas-y, Jonathan, présente-nous ce titre que tu as été sélectionné. Bah, en fait, le remix du Mercredix, j'ai choisi ça parce que j'aime bien les sons en ce moment, tu vois, c'est pas mal, c'est de la nouvelle, on va dire de la house, etc. Mais c'est à chaque fois pompé sur des sons des années 80, des sons des années 90 ou des sons des années 2000, et j'ai sélectionné un tube qui va, à mon avis, arriver sur Fun Radio début de l'été, on va dire début dans juillet. Dans Party Fun, c'est sûr, je pense dans qu'on Party vous passe Fun, déjà d'ailleurs. C'est sûr. Et donc j'ai décidé de vous le faire écouter, ça s'appelle Nuit d'étoiles, en featuring avec Noé, Un autre monde, donc forcément c'est l'original. De téléphone évidemment. Exactement. Et, téléphone qui est passé chez Mobistar d'ailleurs. Sache-le. Et peut-être même chez SFR, donc en Belgique on est pas mal en ce moment avec SFR. Et ce son est d'art franchement, et j'ai décidé de vous faire écouter, c'est cadeau, c'est une exclusivité totale, et je crois même en Belgique on est les premiers et les seuls à jouer d'ailleurs. Écoutez, c'est la pépite Dancefloor de ce mercredi soir, le remix du Mercredix. Sélectionné par Jonathan, tranquille, au calme. Montez le son, faites-en profiter tout le quartier. Open space. X0, Mike Open Space sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes. Heat on my skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Bonne nuit sur Fun. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. 02 851 4x0. Mais soyez bon. Et on est là, fidèle au poste, ravi de passer une partie de nos nuits avec vous sur Fun. Toujours. On a une pensée pour les personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il rigole ce con? Non, non, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a mon ancien patron qui est venu voir mon patron actuel à la radio et j'ai regardé la vidéo en fait. Ah, d'accord. C'est qui? Voilà. Mac Lesguy est parti voir Cyril sur une autre radio. Ah oui, c'est vrai, on rappelle que Maître Kevin bosse pour Cyril Hanouna, il bosse pour TPMP. Le gars d'ailleurs, dans quelques instants, il va nous donner des révélations concernant son couple avec Enora Malagré, puisque je rappelle que cet enculé s'est tapé Enora Malagré quand même. Ah putain. Quand même. Ah ouais, c'est pas rien. Maître Kevin. Il y aura Vita et Jules aussi pour la suite du Sundance Floor. On va s'écouter Ça les dérange. Ah bah tu l'as pas venir. Ah non, ça c'est sûr. Celui-là est bien arrêté. Ah il est bien, il grave bien. Check ça les dérange. L'hymne de l'Euro 2016 aussi, David Guetta qui allait avant 2h du matin. This one for you, allez les Diables Rouges. J-2 avant l'ouverture de l'Euro. Et la Belgique qui joue lundi contre l'Italie. À 21h, c'est ça. Oh là là là là. Il pronostique quoi comme, comme résultat final, Maître Kevin? On fera Belgique demain. Ou Italie? Non mais attends, on peut déjà pronostiquer Belgique-Italie. Belgique-Italie. Ah ça c'est dur. Ah mais, c'est dur. Je mets la Belgique parce que l'Italie, ils ont pas une grosse équipe installée. Ouais. Il y a beaucoup de blessés et tout. Ouais, c'est pas super hein, les Italiens. C'est vrai qu'il y a petit Marco Verratti qui est sélectionné, non? Non, il est blessé, Verratti, tout comme Marquisio d'ailleurs. Ah d'accord, ok, très bien. Il pronostique la Belgique, Zezel, la Belgique aussi, j'imagine. Non, l'Italie. Ah, l'Italie. Étonnamment, l'Italie, 1-0. Pourquoi? Ouais, je sais pas, je les sens pas bien, les Belges. Traître à ton sang. Évidemment, Jonathan, tu pronostiques la Belgique? Bah, je pronostique la Belgique, mais par contre, je pronostique la Belgique avec 2-1. 2-1 pour la Belgique. Je crois que ce sera faisable. Ils sont en forme, ils peuvent y aller. Moi, je dis match nul, je dis un petit 0-0 pour commencer tranquillement. Ce sera un bon résultat contre l'Italie. Donc je dis un petit 0-0. On verra demain. Et puis demain, grosse session l'autofoot hein, calée pour tout le monde et pour tout l'Euro 2016. Oui, Maître Kevin. D'ailleurs, le meilleur troisième de ce groupe pourrait potentiellement rencontrer l'équipe de France en huitième de finale. Donc faudrait pas finir troisième quoi. D'accord. Donc, bien démarrer, c'est s'assurer. De quoi c'est les trois premiers qui se sont... Je comprends rien au délire. Ouais, en fait, il y a les deux premiers qui passent d'office et les trois meilleurs deuxièmes, je crois. Ah d'accord. Les comptes sont bons. Ouais, très bien. Les 3 ou les 4. Oh non, les 4 parce que 3 c'est pas. OK, donc mais il faut que l'équipe de France termine premier pour qu'il rencontre éventuellement la Belgique en quart. Voilà, parce qu'il rencontre les meilleurs troisièmes du groupe CDE. Oh là, je comprends rien, je prends une feuille, on va faire un schéma. Trop mathématique. On accueille Mounir qui est là. Salut Mounir. Bonsoir. Bonsoir Mounir, ça va bien? Salut à toute l'équipe, salut. Ça fait plaisir de t'avoir Mounir dans l'open space. T'as quel âge? Tu m'appelles d'où Mounir? C'est gentil, salut aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent. Eh bah tout le monde te big up Mounir, t'as quel âge, t'appelles d'où? J'ai 39 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Ben pour le moment je suis en arrêt de travail parce que il y a 3 mois je me suis fracturé le tibia en vélo. Ah merde. Et pour le moment je suis sous antidouleur et je commence ma kiné depuis aujourd'hui. Non, il est sous morphine et cannabis en fait. Morphine, non ouais, mais un tout petit peu de morphine, mais c'est pas grand chose. C'est plutôt du dafalgan et du diazépam et de l'LSD. Les trois attelles et une barre de fer que je dois garder pendant 1 an et demi, 2 ans. Putain. Mais ouais, pendant 2 ans. D'accord, ok, très bien. Et okay. Ça s'est passé à la bourse, en vélo, et c'est un militaire qui m'a aidé à me soulever, qui a appelé l'ambulance. Il est directement et je le salue. C'est l'histoire. Ah bah... s'il vous plaît. Ah je te jure, ça me met en angoisse ton histoire. Ouais, parce que ce moment-là, il pleuvait, donc je roulais en vélo, je roulais, il pleuvait. J'ai voulu éviter un groupe de jeunes. Je sais pas si tu vois la place de la Bourse où il y a les escaliers. Ouais. Ouais, là où il y a toutes les commémorations, ouais, là, ouais. Ouais, voilà. Pour donc, j'ai voulu éviter un groupe de jeunes. Je les ai évités, donc je me suis cassé la gueule. Donc il y a plein de personnes qui sont mises autour de moi en train de me fouiller les poches, en train de fouiller mon sac. Ah ouais, ouais. Sérieusement, ils voulaient te voler les gars, ouais. Putain, c'est abusé. Tu te ramasses la gueule, les gens plutôt que de t'aider, ils viennent te faire les poches. C'est ça, il a perdu 200 euros. Ouais, c'était vieux, hein. En plus, les gens qui te regardent, qui n'ont rien à foutre, et j'entends de loin, arrêtez, poussez-vous. Et j'entends des gens qui, enfin, je vois quelqu'un qui pousse le gars, mais je vois pas qui c'est. Et moi, je pèse approximativement, je mesure 1m90 pour 100 kilos. Et donc, je vois un type, il me soulève, mais comme une plume. Je me dis, c'est pas possible, mais c'est qui ça? j'essaie de me relever, il voit que j'y arrive pas, il me dit, bon, repose-toi, rassieds-toi. Il appelle l'ambulance, l'ambulance vient, elle me touche le pied gauche, elle me dit fracture, directement. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je me mets dans l'ambulance, je tourne ma tête, je crime dans l'ambulance, parce que je me dis qui m'a aidé, quoi. On est en retard, je vois un militaire. On est à l'heure, mais ça déborde. Je vois un para, et puis je dis merci, et puis voilà, quoi. Et puis je suis resté, et ça fait 3 mois maintenant. On te souhaite bien du courage, en tout cas, mon Mounir. Attends, c'est gentil, sinon j'ai un SMS qui arrive. Est-ce que je peux faire un film? C'est Steven Spielberg qui veut faire un biopic sur toi, apparemment. ton histoire lui a beaucoup plu. Après 127 jours, voici 360 Mounir jours. Mounir, s'il vous plaît, un peu de calme, parce que là ça part en couille. Mounir, on se concentre sur notre objectif, à savoir gagner du cadeau Fun Radio. Mounir, d'accord. Maître Kevin est là pour t'en offrir justement du cadeau Fun Radio. Et Richard Bridebois, que j'accueille tout de suite dans les studios depuis Paris. Bonsoir Richard, la star du Québec. Hola. Bonsoir Fun Radio. Salut Richie. Comment ça va Richard? Ben vraiment j'étais en train de dire, franchement ça carlingue à mort, ça va très bien là. Ça carlingue à mort. Ah ouais, ce point. Bon alors mon Richard, expliquez les règles de votre jeu à notre ami Smonir. Tu sais, vraiment, j'écoutais ton histoire, il y a beaucoup de mentions dedans, vraiment ça me fait vraiment chialer. Mais là n'est pas la question. J'ai envie de dire que les comédies musicales c'est vraiment quelque chose que c'est nous. C'est dans le cœur. Donc aujourd'hui, je vais chanter la chanson de comédie musicale et il va falloir retrouver le nom des comédies musicales tout simplement. D'accord. T'as tout compris? Ouais, comédie musicale, c'est tout ce que j'ai compris, mais on va essayer de connaître. Parce que je me connais vraiment pas en comédie musicale, mais on va essayer. Ça va, t'es pas trop bavard, Mounir. Hein. sur la vie de ma mère. Bon, alors, Mounir, calme-toi, concentre-toi. Non, je suis calme, je suis concentré. Ah ouais, putain. Bon, Mounir, frérot, on va se passer des sons de comédie musicale. C'est Richard Bridebois qui va les interpréter, d'accord. Et tu dois trouver ou la comédie musicale ou le titre. D'accord. Ça va aller, je tape du rouleau quand même. Alors, Maître Kevin Richard Bridebois, allez-y, son numéro 1, tu dois en trouver 2 sur 3 pour repartir avec du cadeau Fun Radio. Concentre-toi, Mounir. Et c'est parti. Xavier Lablanc, c'est pas vraiment. Il a pas vu, c'est pas vraiment du crément. Quand Caribou a pris dans les pancakes, c'est parce que la blonde, Elle a Pavel Tchèque. Non, on fait l'amour, on fait le bisput, on fait l'amour, c'est pas très bien. On fait l'amour sur le bisput, on fait l'amour, c'est pas très bien. Très bien. Alors. Notre-Dame de Paris, je sais pas. Ah non, non, non, c'est pas Notre-Dame de Paris, non. Tu la connais quand même. Elle est super connue. C'est vraiment plus romantique. Non, tu l'as pas. Très romantique. Si vous pouvez la répéter deux secondes. Ah non, non, non, tu épargnes-nous ça. Non, non, non, non, c'est pas grave. Parce que franchement, j'ai rien compris, hein. Mais c'était c'était ça. Ah non, c'est pas ça. Pardon. C'était les rois du monde, Roméo et Juliette. Nous, on fait l'amour. D'accord. Non, j'étais à côté de la plaque. Hein. J'ai pas saisi. Non, désolé. Voilà, voilà. Ok, ça va. T'as peut-être est-ce qu'on a le son okay, bon, est-ce qu'on a le son en machine? Ah oui, on l'a. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Ils ont du monde autour de. Mais ils sont seuls. Allez. Bienvenue sur Fun Radio, la radio du son dance floor. Avec une grosse exclusivité, écoute ça. Wow, j'avais carrément oublié. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'avais carrément oublié. Ah non, non, non. C'était quoi encore le titre? Bah, c'était Les Rois du Monde, le titre. Les Rois du Monde, voilà. The King of the World. Merci, Jonathan. Roméo et Juliette, d'accord. Exactement. Au 3044 hein, pour agir à l'émission, les amis, par SMS. Bon, tout ce qu'ils veulent. Allez! Moi je peux l'écouter en entier, donc on va passer à autre chose. Monir, écoute bien, Richard Bridbois te propose le son numéro 2 et celui-là, il faut absolument que tu le trouves, frérot. Ouais, c'est. Tcham, c'est la mort qu'elle emploie, c'est comme voilà. Tcham, tu te rends compte, c'est Sabrina qui a pas vu le tcham. Quand t'es carlingue sur l'avenue à Montréal. Te rends compte, tabernacle, qu'est-ce qu'elle me raconte pour son chum? Elle a posé les yeux sur la poutine du pancake. Mais pourquoi elle raconte des choses à ce petit grec? Non, faut pas carlinguer, c'est pas vraiment la charte, toi. Je vais glisser les doigts dans les cheveux des folles ballards. Esmeralda, notre dame de Paris. Allez, bonne réponse. C'est pas pour toi. Ah ouais, j'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me bonne réponse. Et le titre, quelqu'un là? Belle. Ah oui, putain, simplement. Et celui qui lui jettera la première pierre. Allez, ta gueule, ça va. On en a essayé toutes les bonnes choses en une fois. Oh non. Monir, on est pas mal pour gagner du cadeau Fun Radio, mais il faut pour cela que tu trouves le dernier son que Richard Bibois va t'interpréter. T'es dehors, Monir, là ou quoi? On est là, c'est là. T'es dehors? On entend des bruits de klaxon? Oui, je suis dans un parc. Ok, très bien. Alors vas-y. Je prends un peu l'air parce que j'ai pas trop l'occasion de sortir. Oui, ça va. Donc, à 1h53. Oui, voilà. Pourquoi pas. Tranquille. Allez-y, Richard Bridbois, son numéro 3. Chrome. Tintin, c'est Chrome. Je voudrais pas trop border. I got it. Parce qu'il comprend pas ça. La peau est sur les os et il n'a même pas plus de dents. Slavi et Caillou, tabernacle. Slavi et Caillou. La vie et Caillou. Ça veut dire quoi la vie et Caillou, Richard? Ça veut dire vraiment la vie est dure. D'accord, okay. Alors, est-ce que tu as une idée à donner, Monir? Monir? Le fantôme de l'opéra? Non, c'est pas ça. Tu veux pas proposer une autre réponse, Monir? Non. Je te laisse une dernière chance. Franchement, j'ai rien compris. Tu dis c'est pas ça, c'est une comédie musicale des années 80? Non, pas du tout. Attends. Ils étaient stars, Et ils avaient la mania des stars. Putain, frère, on peut pas faire plus. Et il y a Garou qui l'a repris aussi. Hein. Et on l'a repris aussi. Ah. Ça te dit rien? Ah, c'est bon ça. Attends. Qui tu... Oh non, ça me dit vraiment rien. Allons-y. Starmania, le monde est stone. Ou bien c'est moi. Ah c'est bien ça. Qui fait ça fait plaisir cinéma. Cette session classique là, hein, maître Kevin, merci beaucoup. Qui me fait mon cinéma. Ah bon, on va s'endormir donc on va arrêter ces conneries mais Notre-Dame de Paris alors. Non mais quitte à s'endormir en écoutant la radio, autant écouter Guillaume, enfin tu vois ce que je veux dire. Oh putain. Bon, Mounir. Non, Guillaume a gonflé, c'est pour ça que je suis chez vous maintenant. Bon, d'accord. Bah, tu sais quoi, pour cette réflexion, c'est cadeau pour toi, j'en ai rien à foutre. Allez. Alors là, je peux pas le laisser repartir les mains vides là. C'est gentil. Bravo Mounir, cadeau qui arrive à la maison. On t'envoie la compil de la de Guillaume. Non, il y en a pas. Vive Fun Radio. C'est-à-dire un salut. Vive l'équipe. Et continue comme ça alors. Hein. Bah, on va essayer de continuer comme ça en tout cas. Merci beaucoup. Vraiment sympa. Ouais. Merci beaucoup Mounir, ça fait plaisir en tout cas mon pote. Je te repasse des ailes au standard, d'accord? Non, je suis sincère, ouais. Ah bah tu déchires, et je te repasse des ailes, hésite pas à lui parler longtemps, ok? C'est gentil. À bientôt Mounir, salut. Bonne galère à ZZ. Non, je déconne. Mounir, il déchire. 02851 4x0. Merci Richard Bidbois. J'ai envie de vous dire merci à vous, parce que franchement, tu sais, dans nous, dans le Québec, on n'a pas vraiment de radio show comme vous, là. Et je tiens à vous dire vraiment, vous êtes vraiment des grands gaillards. Vous avez pas de radio show Vous avez pas de talk non. De libre antenne? C'est vraiment de la merde. C'est au Québec, c'est à combien de kilomètres le Québec Le Québec, environ 7000 km. On t'envoie Vince. Non, je déconne. Bah, vraiment, je les prends beaucoup. J'aime beaucoup ces lunettes. Ouais, c'est sympa en tout cas. Merci beaucoup, Richard. Vous revenez nous voir bientôt? Bien sûr, je reviendrai bien sûr. Semaine prochaine, là. Ah bah, avec plaisir, Richard. On écoute Vita et Jules sur Fun Radio. Maître Kevin, il reste avec nous. Il reste quelques minutes. Ah oui, parce que. Ah oui, parce qu'il doit nous raconter. Il doit nous raconter le truc avec Enora. Oui. Ah frérot, tu l'as pas fait, donc tu fais ça juste après Vita et Jules. Voici ça les dérange dans l'open space. Passez une bonne nuit tout le monde, Libertad. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop. On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés, dans de sales affaires. Mais on marche à la parole, j'sais que ça les dérange. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. Font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées. À trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés, dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. J'ai ceux qui parlent sur mon dos. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. J'ai ceux qui parlent sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. Oh Dieu, nos promesses, nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés. Dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur notre dos. Nous, on marche à la parole. Et on est là sur Fun Radio, 1h59 du matin, quasiment 2h. Yes I, avec le JT Déjanté qui arrive dans quelques instants. Maître Kevin, qui nous dit tout sur son couple avec Enora Malagré juste après l'hymne de l'Euro 2016. Allez les diables, voici David Guetta. Bienvenue dans l'émission la plus incontrôlable de toute la Belgique. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Et avec Zezel également, qui squatte le standard au 02851 4x0, avec Maître Kevin qui est là évidemment depuis Paris, car le talent n'a pas de frontières, avec Jérôme qui squatte les SMS au 3044, et Jonathan bien sûr, oui. et vous tous en direct. Vous pouvez vous inscrire pour l'émission de demain, les amis, puisque là il est déjà 2h passé 3 minutes, comme le temps passe vite à votre compagnie. Toujours quand on s'amuse. Voilà, et... La phrase de Baraki. Le temps passe vite quand on s'amuse. Non, c'est pas une phrase de Baraki, c'est une phrase de vieux. Plus on est de fous, plus on rit. Sans déconner. Demain l'émission. Demain est grosse émission. Demain, nouvelle star de l'Open Space. Alors, Just Fucking Prix. Alors, je sais pas comment on va placer tout ça, mais demain, Just Fucking Prix, merde auditive. Merde auditive qu'on devait faire ce soir, mais on le fera demain, la merde auditive. T'as qu'à suivre, et il y a un nouveau jeu en préparation. On en a brainstorming et tout. Ah bah non, c'est ou t'as qu'à suivre ou le nouveau jeu. Attends, on peut pas tout faire non plus. Eh ben, tu sais quoi? On fera ça cette nuit. Enfin, on réfléchira cette nuit. D'accord, ok, enfin de ton côté, hein, on ne passera pas voilà, la nuit. Ah, ça va pas comme hier. Hein non, ça va. Balance pas des dossiers à l'antenne, s'il te plaît. Jonathan, 2h04 du matin. Maître Kevin ? Oui, je suis là. Frérot, tu devais me raconter depuis le début de semaine ce qui s'est passé avec Enora Malaké. Je rappelle, Maître Kevin, rappel des faits. Il bosse pour TPMP, il est auteur, c'est-à-dire qu'il écrit des vannes pour Cyril Hanouna, voilà, il écrit des petits textes, etc. D'ailleurs, il a bossé dans l'émission d'hier. Moi, j'arrive à détecter quand c'est Maître Kevin qui écrit. Ah ouais, ils font des jeux. Ils font des jeux. Ah, Maître Kevin, c'est vrai. C'est vrai, oui, dans le before. Oui, ouais, voilà, ils font des jeux. Ah, bah non, je regarde pas le before. Bon, et il est du coup en relation professionnelle avec Enora Malaké. Une relation qui est en train de passer du professionnel au privé, Maître Kevin. Vous l'avez galoché la semaine dernière. Est-ce que ça a avancé? Bah, on s'est vu furtivement aujourd'hui, mais ce fut très intense. Ah, elle mettrait pas de la distance? Non, ben en fait c'est parce qu'elle était malade et elle a tourné des trucs à gauche à droite, donc on s'est pas trop vu quoi. Mais elle a tourné sinon, des trucs. Oui, elle a tourné des trucs pour une autre pour une autre production d'H2O. D'accord. Que vous verrez bientôt à l'antenne. Ouais, on s'en tape et est-ce que tu l'as pécho? C'est ça qui m'intéresse en fait. Ah si, je l'ai pécho. Oui. Là maintenant. Ah bah oui, évidemment. Ah c'est fait. Évidemment. Non, mais c'est pas officiel. Et c'est pas officiel. Parce que ma meuf écoute l'émission là. Non, mais on s'en fout, Maître Kevin. Là, ta meuf, c'est pas Enora Malaké, tu vois. Ouais, enfin, avec tout le respect que j'ai pour elle, quoi. Ouais, quand même. Non, mais on va pas. Ça avance très, très sérieusement. Et je peux te dire que les petits papillons dans le ventre, j'y suis pas pour rien. Ah ouais? Ah non, mais j'y suis pas pour rien. Attends, tu sais comment pas dans cette émission, on raconte strictement la vérité, Maître Kevin. Donc si c'est on faux, tout savoir. Je serais très très vexé. Bah écoutez, vous verrez incessamment sous peu. Oh, c'est fou cette histoire. Eh, franchement, je suis fier de toi, frérot. Eh, bravo quand même, Sartek, hein. Eh, franchement. Eh, la baisse, hein, ça va, franchement. Ah, je suis content. Bah, ouais, je suis content pour l'endroit, être tranquille. C'est pas l'endroit. Ah, mais je suis content, je suis fier de lui parce que je sais qu'il a galéré un moment celui-ci. Et d'honneur pour lui, hein. Allez, voilà. Bon. Et il a appelé, il m'a fait rire parce qu'il m'a raconté, il m'a appelé, je sais plus quand on s'est appelé, enfin, il me raconte ça sur Facebook, je sais plus. Et il me dit, ouais, il a appelé Hanouna dimanche. Oui. Sur son téléphone. Et ouais. Il a fait quoi? En fait, j'ai appelé sur le téléphone de Cyril et je me suis fait passer pour. Au début, je voulais faire Arthur. Après, je me suis fait non, Arthur, c'est trop cramé, donc je vais faire Nikos, hein, chose que je maîtrise un peu mieux. Et donc, j'ai fait Nikos et sa femme, je suis tombé sur sa femme, qui a cru en fait que c'était vraiment Nikos. C'est vrai? Alors, vas-y, refais-moi la scène là, raconte-moi le délire. Ouais, vu le rire, c'est vrai. Hein. Attends. Salut Milly, c'est Nikos. Est-ce que mon loup Cyril est là? Elle t'a passé Cyril. Mais j'y crois pas. Ah, non, mais en fait, du coup, elle a dit non, mais il est pas là, en fait, il est sorti. Ah, parce que c'est con, j'étais en bas et je voulais qu'on aille faire un tour, on aille boire un drink. Donc, du coup, machin. Donc, du coup, après, elle a dit, bah attends, je le rappelle, patati patata, machin, patati. Après, elle m'a dit, rappelle-moi. Donc, du coup, je l'ai re-rappelé et là, je l'entendais derrière. Mais c'est une connerie, raccroche, c'est une connerie. Et donc du coup, le lundi, je suis parti le voir, je lui ai dit, voilà, comme c'est ton numéro, je savais pas que ta femme allait répondre, tout ça. Il m'a dit, ah, c'est toi l'enculé? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, franchement, tu m'as fait rigoler, parce qu'au bout d'un moment, elle a mis le haut-parleur. Ça, le haut-parleur, ouais. D'accord. Eh, franchement, vous voulez pas demain mettre Kevin 23h? Vous venez avec nous, 23h, on vous prend juste 5 minutes, après on vous laisse. Et demain, 23h, on appelle Baba. Ben, 23h, il y a des chances qu'ils répondent. Allez, 23h demain, t'appelles Baba, tu me fais une imitation d'Arthur. D'accord. Mais non. Je lui fais Arthur. J'ai pas bien, j'ai encore entendu. Non, pas Arthur. Non, pour moi, c'est la meilleure. Pour moi, c'est sa meilleure, Arthur. Mais tu trouves que Arthur, c'est vraiment bien, ça? Non, mais pour moi, je trouve que c'est sa meilleure, Arthur. Ouais. Ouais, il choisit une imitation, il nous fait trois propositions demain et on met les propositions sur Facebook, c'est les gens qui choisissent, ok? Ouais, d'accord. Je sais pas. Donc, je mets Arthur, je mets Nikos et qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Jean-Marie Bigard, il fait bien, ça. Ouais, Jean-Marie Bigard aussi, ouais. Par contre, si je fais Bigard et que je lui raconte une blague de cul, ça c'est sûr, il va plonger. Voilà. Ah bah on y va, on part sur Bigard. On plonge. On part avec. Sur Bigard. Et demain 23h, on commence l'émission avec ça. D'accord. Ok, maître Kevin. Ok, on est parti. Allez, c'est fait, rendez-vous est pris, soyez là demain à 23h. Pour le moment, c'est l'heure des titres. À la une de l'actualité demain, voici l'heure du JT déjanté sur Fun. Transformation Mike Morello, fils caché de notre ami Carlo. Hello Gonathan, hello maître Kevin. Hello Jérôme, hello Zézel, hello à tous. Des bouts de pommes de terre dans la foufoune. Et oui, apparemment, quand Ken n'est pas là, Barbie couche avec Monsieur Patate. Rappel. Et si un homme a un balai à la main, pas de panique, il ne fait pas le ménage, il joue au curling. Il traverse la rue et meurt noyé. Bah ouais, mais quand on sait pas nager, on n'habite pas à Venise, merde. Français. On ne dit pas ma femme vient d'avoir son permis de conduire, mais ma femme va bientôt avoir un accident. Oh, c'est dégueulasse. Généalogie. Non, refais-la. Généalogie. Un long cou, des grandes jambes, une petite tête. Plus de doute, Victoria Beckham descend bien d'une autruche. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. 2h10 du matin. Et je viens de faire l'imitation de l'autruche et c'est pas mal. Je pensais que tu faisais le mec fier d'être dans le jingle. Ah non. Ah, c'est pour ça que j'ai pas compris. Ah, je faisais l'autruche. D'accord, très bon, bien. Bon, bah, à revoir. Non, mais tu fais très bien le connard naturellement. Hein, t'inquiète pas, fais pas l'autruche. C'est gentil, c'est gentil. 2h10. C'est le plus dégueulasse du monde, l'autruche, sans déconner. Ah ouais? Ah non, tu sais, mais c'est, franchement, c'est une phobie ce truc. C'est ah non, et bah il va aller raconter ça sur une autre radio, d'accord? L'autruche, c'est pas l'animal le plus dégueulasse, il y a le jus aussi. Ah, ok. Allez, on y va. On y va. On ne raconterait pas qui est la personne pour les nouveaux qui arrivent. Bisous, mon Zézel, merci mon pote. Allez, pour bisous. La soirée. Ouais. À demain. À demain. Fidèle au poste, 23h, avec demain Bilitis, ta meuf qui va venir te chercher. C'est possible. Ah, très bien. On pourra régler quelques détails. Quelques points de détail avec elle, comme ci, comme ça. Exactement. Parce que je rappelle que Zézel est parti en club libertin avec sa meuf le week-end dernier. Putain, sa meuf l'a emmené en club libertin. Elle quoi. Est quand même forte. Mais je rêve que ma meuf m'emmène en club libertin. Mais déjà, faudrait que t'aies une meuf. Ah oui, t'as Coralie, mais on peut pas le dire trop fort. Oui, c'est ça, faudrait que j'ai une meuf donc. Jérôme, bonne soirée, frérot. Bonne soirée, à demain. Merci, mon pote, maître Kevin. Le talent. Je vous laisse et je vous dis à demain 23h alors, hein. Oui, 23. Il oublie pas, frérot. Hein. Je suis pas sûr que j'ai le temps de le rappeler tout ça sur Boubouk. Hein. Donc, je compte sur toi, mon frérot. Et on va s'échanger les numéros, voir si on a les mêmes de Baba. Comme ça, on aura double chance de l'avoir. Je veux l'avoir avant la fin de la saison. Oui, t'as raison. Cyril Hanouna. Bonne nuit, maître Kevin. Bonne nuit, mon Jonathan. À demain, Mike. À demain avec la merde auditive. Je vais te mettre une raclée demain. Ah ouais, mais en plus, le sujet est d'art. Enfin, franchement, putain, le thème est d'art. Ça fait une semaine qu'on n'a pas fait qui peut battre Mike aussi. Bah, si on le fait demain, c'est on prévu. On le fait demain c'est dans prévu. L'émission. Très plein, bien. Grosse okay. Émission demain. Bon, demain dès 6h du matin, il y a Ivan et la tribu pour vous réveiller évidemment entre 6h et 9h avec vos overboard à pécho. Demain chez Ivan, ouais. 6h15, 7h15, 8h15. Il y en aura aussi chez Audrey, la belle Audrey, entre 17h et 20h. Et à partir de 20h, le poteau Vince. Il aura aussi des overboard en fait que nous, qui n'en avons pas. C'est ça. Et nous, on a des trucs à offrir pour demain, des cadeaux Smart Toys. David ouais. M'a filé plein de cadeaux tout à l'heure, Kaufman. D'ailleurs, tout le monde a des overboards, mais toi, tu donnes de l'amour aux gens. Et c'est plus important que tout. Allez, tu sais quoi? Allez, quoi? Dis le mot de la fin. Libertad. Mike Open Space revient demain dès 23h pour retourner le pays sur Fun Radio. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Bonne nuit, la Belgique. Où sont les filles, les femmes? Montre-moi comme tu es, ce soir est un jour de paix. va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beaux. Fais-moi rêver, les bras levés. This is my station. Fun Radio. Fun Radio. La Sun Dance Floor. Whatever you want, whatever you need, you can call me. Je serai là. Is that what you want? You can count on me. That's what I call a friend. Friend, friend, friend, friend, friend, friend. Je serai là. Dance floor. Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire la fête, ta mère veut te la faire aussi. La fête. Tout le monde te fera aussi la fête.

Radio. Et Jin Jin Santé, et Jin Jin Santé, et Jin Jin Santé.